Des radios. Veillez et priez. Une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, ambisez nous, mon badilike. Oui, n'ayez pas de bibi, oh, sonnez-vous. Oh, si n'a pas de bibi, tchajaria. Hear the word, all the people hear his voice, all the people fear the Lord. Repent from your sins and be changed. Tubuni zambi zenu mubadilike. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. From your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, amis, et nous, mon badilike. Oui, n'ayez pas de bibi, oh, sonnez-vous. Oh, si n'a pas de bibi, tchajaria. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, amis, et nous, mon badilike. On va avoir des enfants aussi qui sont possédés comme ça demain. Les choses que nos enfants regardent à la maison, ce qu'ils font avec leurs camarades, ils ne sont pas au courant de ne font pas avec les gens qui sont à l'école. Les parents doivent veiller sur ces choses-là et leur enseigner, leur inculquer les droits du Seigneur. C'est ce qu'on doit faire pour nous qui avons des enfants. Amen. David dit que verset 7, afin qu'ils missent en Dieu. Non, verset 6. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leurs pères. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, la Bible dit que, je vous rappelle quelque chose, ne soyez pas comme vos pères. C'est-à-dire que l'apôtre Paul encourage ces chrétiens de Corinthe en disant que vos pères, souvenez-vous, sont sortis d'Égypte là-bas et ont été sous la nuit. D'accord? Ont mangé la manne là-bas dans le désert. Vos pères ont été baptisés à Moïse sous la nuit là-bas. La Bible déclare qu'ils ont eu toutes ces grâces-là, mais ils ont été indociles et rebelles à Dieu. L'apôtre Paul dit, n'oubliez pas ces choses-là. Que vos pères, après avoir bénéficié de ces choses-là, ils ont été rebelles à Dieu et Dieu les a frappés par tous ces fléaux qui sont situés dans la vie. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la rébellion, après la délivrance, il y a une façon digne de marcher avec le Seigneur. On doit le servir dorénavant avec crainte. Dans le livre de Romains, donc au chapitre 13, là-bas, il dit que rendez le tribut à qui vous devez le tribut. D'accord? L'honneur à qui vous devez l'honneur. Et la crainte à qui vous devez la crainte. On demande la crainte à qui, frère? À Dieu. On doit le servir dorénavant avec crainte. Grande crainte, frère bien-aimé dans le Seigneur. Notre conduite que nous avions autrefois, elle ne doit même plus être mentionnée au milieu de nous. D'accord, bien-aimé? Prenons Romains chapitre 6, là. Je vais lire quelque chose. Une façon conséquente de se conduire dorénavant. Une façon conséquente de se conduire dorénavant. Après la délivrance. Après qu'on ait été délivré. Romains chapitre 6. Vous y sommes? Je commence la lecture à partir du verset 6. Venons même à partir du verset 1. D'accord? Venons à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Réponse? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Voilà les personnes qui avaient été délivrées, qui ont été délivrées du péché. Et la grâce a été manifestée pour eux. Alors, il se pose la question, l'apôtre Paul ici là, comment est-ce que je vais demeurer dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde encore? Non, ce n'est pas possible. Si j'ai été délivré du péché, il y a une manière conséquente de se marcher, de marcher conduit par la suite. Il y a une manière conséquente de marcher par la suite, une manière qui soit agréable à Dieu. Il dit, ignorez-vous que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc l'appel ici pour le chrétien est pour toi et pour moi de marcher en nouveauté de vie. Une vie sans péché, une vie loin du péché, une vie exempte de tout péché. Est-il possible de vivre dans ce monde-ci sans péché? Hein? C'est possible, frère bien-aimé? C'est possible. On ne peut pas demeurer dans le péché. On ne doit pas demeurer dans le péché. Il dit, loin de là. En effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été... Le vieil homme a été fait comment? Crucifié. À quel moment est-ce que le vieil homme a été crucifié? À la croix. On voit à quel temps c'est qu'on s'est conjugué, sinon il a été crucifié. C'est une de nous qui est déjà passé. Ce vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme a été crucifié. Qui croit ça? Qui croit? Amen. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11, il nous intéresse. Nous y sommes. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort et comme vivant. Il nous invite donc à nous regarder comme morts au péché. Après avoir pris connaissance de tout ce qui est passé, que Christ a accompli à la croix pour nous, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Le vieil homme de qui? C'est mon vieil homme. C'est ton vieil homme, d'accord? Il a été crucifié à la croix. Il nous invite maintenant de marcher en nouveauté de vie. Il dit, regardez-vous comme morts au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Autrefois, quand nous n'avons pas Christ, on vivait pour qui? On vivait pour qui? On vivait pour Dieu, pour le diable, pas vrai? On vivait, nous-mêmes, on était exposés à tout genre de dépravation là-dedans et on se comportait n'importe comment. On était vraiment haï et digne d'être haï. Maintenant, aujourd'hui, Christ a accompli une œuvre. Il a accompli une grande œuvre pour toi et pour moi. Alors, il y a une manière conséquente de se conduire par la suite. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça, c'est un commandement ou pas? C'est un commandement. Que le péché ne règne donc point. Que le péché ne règne donc point. Dans ce même livre de Romains, dans le chapitre 12, que nous connaissons bien, il nous demande d'offrir nos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui sera pour toi et pour moi un culte raisonnable. D'accord, bien-aimé? Il ne faut plus que le péché règne dans nos corps. N'obéissez pas à ce qu'on voit ici. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Où sont tes membres? Lève tes membres voir. Hein? Prends les mains, n'est-ce pas? Il y a les pieds aussi. C'est pas vrai? Tous les membres qu'on a sur le corps, n'est-ce pas? Il dit, ces membres-là, on doit vérifier à ce qu'on ne puisse pas les livrer au péché comme des instruments d'iniquité. Alors, tes pieds là, avec lesquels tu marches là, tu vas souvent voir avec tes pieds. La Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 2, là-bas, à partir du verset 22, il adresse une exhortation à Timothée. Il dit, Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Les jeunes sont emportés par les passions. Nous, autrefois, on était emportés par les passions. Des choses comme quand il fallait avoir les rendez-vous dans des snack bars, les rendez-vous dans n'importe quoi là, les rendez-vous, les surprises parties et les pique-niques. Si on prenait nos pieds, s'il y a les deux pieds que Dieu nous a donnés par sa grâce, et on pouvait là-bas pouvoir commettre toute espèce de péché avec nos pieds ici-là. Arrivé là-bas, on prenait nos mains. Les mains que Dieu nous a données par sa grâce pour atteindre la Bible. On prenait ça pour faire tout genre de choses sales dont nous répétons aujourd'hui. D'accord, frère bien-aimé? Notre bouche, on livrait ça à n'importe quoi, au mensonge et à la calomnie. La bouche que Dieu nous a parlé, que Dieu nous a donné pour prononcer les oracles du Seigneur. Un moment, mon frère. Pas des moments que nous vivions autrefois au péché. Mais il dit en Jésus-Christ maintenant, ne livrez plus votre corps au péché. Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité. Continuons. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de quoi? De justice. D'accord. Il y a une conversion qui s'est passée, pas vrai? Ce que nous faisons, on peut voir avec nos membres pour arriver au péché. Dieu veut qu'aujourd'hui, on prenne ces membres-là pour les convertir à ce qui est juste. D'accord? Qui est battant pour savoir? Qui est battant, frère? Est-ce que c'est difficile, frère bien-aimé? On peut le faire, non? Nous sommes d'accord pour le faire, non? C'est un commandement du Seigneur pour toi. Sachons de bien, on a fait alliance avec le Seigneur de marcher d'après ses ordres, de marcher d'après ses commandements. C'est ça, non? Amen. On a fait alliance avec Dieu. Il a dit malheur à celui qui prend qui fait un vœu et qui ne réfléchit qu'après. C'est-à-dire qu'il se lie, il s'attache après avoir fait un vœu et se met à réfléchir après. Il est important pour toi que tu réfléchisses avant de faire un vœu, avant de faire tout genre de choses, d'accord? Il est important que tu réfléchisses avant de prendre un engagement. Choisis aujourd'hui qui est-ce que tu veux servir, ou Dieu, ou le Dieu de ce monde. D'accord, bien-aimé? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'arrête ici. Guerre au péché. Non, c'est pas ça. Laisse les gens qui savent chanter gentil. Guerre au péché. Guerre à tout esclavage, enfant de Dieu, de vous soyez un soldat. Guerre à Satan, guerre d'offre sans courage, âme d'homme, sois vaillant au combat, au bon courage, au bon courage, armée de l'éternel, Dieu t'a formé. Toi seul tu peux briser la faute chère. guerre à l'orgueil qui ruina notre terre, nous éloigna de notre Créateur, et séparant le frère de son frère, crucifiant enfin le Rédempteur. Oh, prends courage, oh, prends courage, âme de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, âme de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre à l'orgueil qui ruina notre terre, nous éloignant de notre Créateur, et séparant le frère de son frère, crucifiant enfin le Rédempteur. Oh, prends courage, oh, prends courage, âme de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, âme de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre au fléau, guerre à l'ivrognerie, à l'avarice, à toute impureté. Soldat des dieux, qu'une sainte furie brûlant ton cœur contre l'iniquité. Oh, prends courage, oh, prends courage, âme de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, âme de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Veuillez vous asseoir. Combien de cantiques il y a là maintenant? Deux, n'est-ce pas? Écoutez bien. Chacun, avant de venir samedi, prenez le cantique là. Vous allez prendre le cantique. Chacun, avant de venir samedi, il faut que chacun ait son cantique. Voilà, là, je chante. Voilà. Bien sûr, la terre, on va prier. Sur la terre, tendre Père, nous te rendons grâce et te disons merci. Alors que tu nous as recommandé, Père de gloire, qu'on sème pour l'esprit, pour mentionner de l'esprit la vie éternelle, nous sèmons pour les œuvres de la chair. Donc, de comprendre la nécessité de prier à cette heure. La nécessité de travailler dans cette heure-ci à ton œuvre et de diriger nos cœurs et nos vies dans la voie droite que tu as tracée pour nous. Donne-nous au Père de gloire de respecter nos engagements et que nous entendions avec grâce et ouverture ce temps de rafraîchissement dont tu nous as promis. Que tout ton nom soit le seul glorifié dans nos vies, dans notre marche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Amen. Comment vous allez, frère? Donc, samedi, chacun ait les cantiques, vous ayez les cantiques là. Et chacun a son cantique. Ça fait au moins, ça fait plus de 2 ans. Ici, on dit, prenez votre cantique, photocopiez pour vous. Vous aimez quand vous photocopiez, on vous donne. Des questions? Il y a une question dans la ligne de Jean. Dans la ligne de Jean, au chapitre 5, en fait, c'est un problème de compréhension. Bon, à partir du verset 20, il y a 10. Car le Père aime le Fils, lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Au verset 21, il est dit, car comme le Père ressuscite la vie, ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Bon, le « il » là-bas, on ne sait pas pour qui il est dit, c'est pour le Père ou c'est pour le Fils. Relis encore. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Qui donne la vie? Le Fils. À qui donc il veut? À qui? À qui? Le Fils. C'est le Fils dont c'est les questions là-bas. Le Fils donne la vie à qui le Fils veut. On ne peut plus répéter le Fils donne la vie à qui le Fils veut. C'est le Fils donne la vie. On ne dit pas le Fils donne la vie à qui le Fils veut. Ça ne se dit pas. Le Fils donne la vie à qui il veut. Prends Matthieu chapitre 11. Tu lis la même chose là-bas. Rapidement, Matthieu chapitre 11. Lui, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Continue. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, oui. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oui, continue. C'est fini. On va activer ce verre maintenant. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi. Laisse, vas-y, verset 25. Lire doucement avec la pensée de ce que tu as eu dans Jean chapitre 5. Allons-y, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Maintenant, verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 27, enfin. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Oui, donc c'est-à-dire c'est le Fils donc qui révèle. Quand il veut, il révèle. D'accord. Donc maintenant, si tu peux penser que c'est le Père qui veut révéler le Fils, c'est le Fils maintenant qui révèle le Père. D'accord. Donc, ça veut dire que tout ce qui a été donné, c'est à te donner entre mains du Seigneur Jésus. Donc, il fait de ça ce qu'il veut en réalité. C'est comme on dit, je te donne tous mes biens, gère ça comme tu veux. C'est tout ce que tu voulais dire dans ces gens-là. Non, je ne sais pas si c'est qu'il donne à qui le Père, donc c'est sur la volonté du Père qui lui donne la vie. Donc, puisque le Père n'a pas voulu, lui ne fait pas d'ordre. Qui est le Père alors? Qui est le Père alors? Donc, le Père qui le Père dit que prends celui-ci. Il prend. Prends celui-ci, il prend, c'est ça. Non, je dis qu'en accord avec l'esprit, puisque le Père. C'est en accord avec l'esprit. En accord, c'est-à-dire quoi en accord? C'est-à-dire qu'il s'entend quelque part, que comme tu vois là, prends celui-ci. Oui. Ok. Des questions. Ok. Des questions? Oui, le livre de Luc, chapitre 1. Tu peux parler plus fort que ça, mon frère. Le livre de Luc, chapitre 1. Non, il dit que tu peux parler plus fort. Il n'a pas dit que tu répètes le livre. Il dit que tu peux parler plus fort. Quand moi je parle, tu entends. Oui, bon. Vas-y, parle un peu plus fort, voir. Luc, chapitre 1. Oui. Luc, chapitre 1. En fait, on vient de lire ça tout à l'heure, le verset 25. On était dans Matthieu, là. On va lire Matthieu, tu as utilisé Luc. Ou bien? Ok, donc avant qu'il ne vienne. Hein? Ok. Oui, ce que je comprends aussi, c'est l'homme qui a été délivré et après sa délivrance, il se trouve des pots de feu en lui et la maison est baillée. En réalité, quand on est délivré, c'est le Seigneur de lui qui doit être. En réalité, c'est que ça ne veut pas dire. Quand on est délivré, c'est le Seigneur qui doit venir habiter dans cette personne qui a été délivrée. Curieusement, ici, on trouve plutôt les pots de fleurs et la maison est balayée. Mais qui a parlé de ces pots de fleurs, là, la façon dont on est là? Qui parle là-bas? C'est le Seigneur qui parle. Non, ça veut dire que tu veux dire alors que le Seigneur ment? Non, c'est pas ça. Non, tu dis que. Tu dis. Je veux comprendre. Non, attends d'abord, tu dis que lorsque quelqu'un est délivré, c'est le Seigneur qui doit devoir arriver. Mais curieusement, on vient trouver qu'il n'y a plus de pots de fleurs. Je te demande qui en est de donner l'histoire. Tu dis que c'est Jésus. Donc tu dis que Jésus en est de mentir alors. Non. Comment tu dis que c'est lui qui devrait venir habiter? Sur quelle base? Sur la base que c'est lui qui a délivré. Mais c'est le Seigneur qui. C'est toujours lui qui délivre en disant que quand il délivre, voici ce qui va se passer, non? En réalité, qu'est-ce qu'il a de vouloir dire aux gens qui sont délivrés? Ce que je ne comprends pas aussi, c'est après la délivrance, comment est-ce que ce sont plutôt les pots de feu? Bon, ça veut dire que tu as demandé à que Jésus a dit s'est trompé, c'est ça, non? C'est ça que je viens de dire. Non, c'est ce que moi je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi au juste? Il a bien expliqué, il a dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un corps, oui. N'est-ce pas? Oui. Il va dans les lieux arides. On dit, ne trouvant point de repos, il se dit à lui-même, je retournerai dans la maison où j'étais. On dit, s'il vient, il trouve que la maison est comment? Bien balayée et ornée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il a entendu parler par balayée et ornée? Quand tu lis ça, qu'est-ce que tu comprends quoi? Les pots de fleurs, c'est quoi? L'ornement. Oui, c'est ça. L'ornement. Ça dit quoi en clair? Bon, quand on te délivre, il y a les fleurs dans toi. Hein? Mmh. Comment tu ne sais pas? C'est toi qui as tout à l'heure parlé de peau de fleur. Je n'ai pas utilisé l'expression peau de fleur. C'est toi qui as dit que maintenant que dans ton corps se trouvent les peaux de fleurs, il y a les roses partout, il y a les hibiscus par-ci, là, les fleurs de jalousie par-ci sur le cœur. C'est toi qui as dit ça. Alors quand tu entends par balayer et orner, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh mon cher, ouvre Galates, ouvre donc Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je crois qu'on a commencé la dernière fois un enseignement. Si vous permettez, on continue rapidement pour finir la suite. Et puis le moment viendra, on vient sur les armes. Mais je voudrais souhaiter que nous allions sur un carnaval qui va nous préparer au temps de rafraîchissement. Donc finissons ça rapidement. On avance au niveau des âmes des croyants. Puis on enchaîne avec ce temps de rafraîchissement qui est devant nous. Le temps que vous trouvez Galates, souvenez-vous de prier pour le pays. Souvenez-vous de la nouvelle dont j'ai parlé, n'est-ce pas? Ça arrive en grand enjambé. Et souvenez-vous, dans un enseignement, j'ai dit, dans une des prophéties pour le Cameroun, j'ai dit, après le conseil constitutionnel. Oui. Et puis, quoi? Galates chapitre 5, verset 13. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Femme, lis. Galates chapitre 5, verset 13. Frère, vous qui avez été appelé à la liberté. Oui. Quand quelqu'un est appelé à la liberté, ça se peut qu'il était d'abord comment? On l'a appelé à la liberté. Ça suppose qu'on l'a. Hein, frère? Ça suppose qu'on l'a. Attends, tu as peur de dire. Maintenant, c'est à ceux-là donc qu'on s'adresse. Qu'est-ce qu'il adresse? Qu'est-ce qu'il s'adresse? Qu'est-ce qu'il va lui dire comme exhortation? Allons-y. Quoi? Lis ici, frère. Allons-y. Frère. Avec eux là, on ne peut pas finir aujourd'hui. Là. Continue ici. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. On t'a vu ça, n'est-ce pas? Ta voix est partie au frère de la sienne. Et toi, crier lundi. Tu cries pourquoi? Il y a quelqu'un mort. Prier, non? Ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit quoi? La Bible dit, frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Voilà, regardez bien. Ce n'est pas dit un prétexte pour. Vérifiez bien, c'est ce qui est écrit. Entourez le D qui est là. Si dans la phrase, il dit un prétexte pour vivre selon la chair, ça dit autre chose. Si dans la phrase, il dit... Et ici, maintenant, il dit un prétexte de quoi? De vivre selon la chair. C'est une autre chose. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Il n'est pas dit, ne faites pas de cette liberté, il ne faut pas que vous preniez profiter de cette liberté pour vivre selon la chair. On dit qu'on ne profite pas de ça de vivre. Notez Tite chapitre 2, je crois que c'est de ça que l'apôtre Paul nous parle. Tite chapitre 2, verset 11 à 13. Dont les hommes mariés spécifiquement, préparez-vous, je vais travailler avec vous. Dès que je vais trouver le temps dans mon programme, on va avoir une journée de travail. Les hommes mariés seulement. Comme vous aimez entendre mes paroles, si vous allez tordre là. J'ai dit les hommes mariés. Vous entendez, non? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Bonsoir par ici. Il y a des gens par ici. Bon, si vous n'êtes pas marié, c'est même, ça ne nous concerne pas. J'ai dit, bientôt, je vais travailler avec les hommes mariés. C'est dit, je vais voir les hommes mariés à la maison. Je ne sais pas, quelqu'un est appelé frère Junior. Et ceux qui sont en voie de se marier. J'ai dit, les hommes mariés. Je ne veux pas que vous me tordez, vous me perdez le temps, vous aimez me casser la tête. On dit que je vais voir les jeunes qui sont à l'école. Quelqu'un qui a 40 ans dit que moi aussi, tu es à l'école. Je vais voir les hommes mariés. Donc, on aura toute la journée pour travailler comme on a fait avec les jeunes là. D'accord? Les hommes mariés. Donc, vous avez noté Tite chapitre 2, verset 11 à 13, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, verset 13 qu'on a lu là. Il dit qu'on ne fait pas de la liberté un prétexte comme un voile pour pouvoir vivre selon la chair. Pour aider. Donc, vous avez entouré, ce sont deux choses différentes. D'accord? Maintenant, si vous regardez toutes les délivrances, ou mieux, la majorité des délivrances du Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un était captif, quand il le libérait, il disait que va aîné. Pourquoi? Pourquoi, frère? Et puis, comme dans le livre des Jean au chapitre 5, le verset 14 et suivant. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Et Jean, au chapitre 8, dans cette femme qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Savez-vous dit ceci? Lorsque un esprit est chassé du corps, il est déjà habitué à la maison, à sa maison. D'accord? C'est un peu comme vous. Vous êtes dans un quartier, vous avez du mal. Si vous demandez à ma mère qu'on construit une villa, qu'elle peut dire que nous sommes habitués à ma quépin, il y aura les justificatifs. Quand ils sont ici, le marché ici à côté. Par coup vitaire, là, il n'y a pas marché. Il va seulement ici, j'étais la poubelle ici. La snex ici à côté, paye ici là. La sonnex ici. Elle va donner toujours des justificatifs. En réalité, ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est parce qu'elle est habituée. Et chacun est comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes attaché à un lieu, vous avez du mal à vous en séparer. Ce n'est pas vous seul, même les esprits. Ils sont habitués. Parce que pour entrer dans une autre course, une autre bataille. Parce qu'entre eux, ça se bat et ça se combat. Et donc quand il est habitué, il sait que c'est sa maison, il connaît déjà les secrets de ton cœur, les secrets de tes pensées, les secrets de ton style de vie. Et il était accoutumé à toi. En fait, tu es son jumeau spirituel. Tu es son jumeau spirituel. Donc ça veut dire qu'il peut savoir comment il peut t'avoir. Il peut savoir comment il peut faire pour t'avoir. C'est pour ça qu'il parle dans les lieux arides, on dit cherchant où habiter. Comment un esprit va chercher où habiter? On dit dans les lieux arides. Maintenant, il dit, ok, il faut qu'il rentre dans la maison d'où je suis sorti. Regardez voir le point de départ. Vous êtes n'importe où sur la terre, il peut entrer en contact avec vous. N'importe où. Maintenant, il dit, quand il revient maintenant, le problème c'est qu'il trouve la maison balayée et ornée. Donc, normalement, quand cet esprit se sort, il s'en va dans les lieux arides, on s'attendait à ce que quelque chose soit là. Regardez très attentivement, c'est plutôt que ça devrait être scellé, fermé. La maison devrait être comme ça. Lorsque la maison est balayée et ornée, ça se pose que ça en est accueilli des gens. C'est quelque chose qui est charmant. On a à disposer la maison pour recevoir quelqu'un. N'est-ce pas, frère? Le Saint-Esprit ne veut pas qu'on balaye en orne la maison parce que c'est lui l'ornement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des objets de péché placés encore là-bas. C'est-à-dire quelqu'un qui est délivré, comme maintenant, comme je suis libre, maintenant, peut maintenant foncer maintenant dans le péché comme je veux. Toutes ces choses-là, maintenant, ce sont des pots de fleurs du péché dans la vie. Ce qui lui donne donc le droit de venir maintenant s'installer. C'est-à-dire qu'on a enlevé la maison pour bien nettoyer, pour lui donner la place pour qu'il vienne maintenant bien respirer. Il dit, ok, dans ce cas, je ne dois pas jouir de cet ornement seul. Il s'en va, il dit, vous irez faire quoi ici? Et quand on m'a chassé dans la maison, un peu plus entre, il vient chez nous. Il y a de la place, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon jumeau spirituel. Viens, établissons-nous. Il ne fait pas comme ça parce qu'il aime l'autre esprit là. C'est parce qu'il sait que la dernière fois, on l'a chassé de là. Donc il faut que si on veut le chasser, que quelqu'un soit là au moins pour combattre à son côté. Jésus dit, dans ces conditions-là, la dernière condition de cette personne est pire que la première. Car il faudrait mieux pour cette personne de ne pas être délivrée. Donc c'est mieux que tu aies deux démons. Quand on chasse deux démons, 14, ça fait un 14. C'est pas ça, frère? Vous dites que deux démons, restez-vous là-bas. On est amis, on se connaît. C'est mieux de connaître, tu travailles avec deux démons quelque part que les autres qui vont venir qu'on ne connaît même pas. Donc tu restes avec deux démons. C'est une chose terrible que d'habiter avec les démons. C'est une chose terrible que de collaborer avec eux. Il faut s'en séparer. Amen. D'accord? Amen. Nous avons convenu que les prochains jours qui nous restent, les 12 prochains mois, nous allons vivre de toute notre pensée, toute notre force dans la sainteté, n'est-ce pas? Amen. Faisons cela et vous allez observer. Seulement, on dit par exemple en soirée que venons nous asseoir ici, on s'assoit ici, on s'attend à lui, on s'assoit tout simplement. Vous ne faites aucune gesticulation. Vous allez voir cette nuit-là parcourir le corps. Vous allez le voir à l'œuvre. Pointe quelqu'un comme ça. Pointe quelqu'un dans le nez. Dis sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Dis sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Non, il n'y a pas de ton nez. Pointe quelqu'un dans le nez. Tourne ton pointe quelqu'un dans le nez. Pointe quelqu'un comme ça là. Pointe quelqu'un. Dis sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. S'il n'y a pas de questions, on continue dans la chose que nous avons commencé là. Oui, mon cher. Attends, attends d'abord, mon cher. Frère Gilda, ça va? Tu as bien saisi ce que tu voulais savoir? Tu es sûr? Là maintenant, il te pose la question donc concernant cela. Comment se fait-il que le Seigneur délivre lui n'entre pas pour s'établir? Dis-moi donc. Si tu as donc bien suivi, comment donc se fait-il que le Seigneur, après avoir délivré, ne s'établit pas dedans? Moi, je disais, c'est parce que c'était la question n'a pas. Tu sais, on a bien précisé que si. La maison, que après la délivrance, si la maison n'est pas. Bon, la personne. La personne n'a pas bien vu que le Seigneur s'est dit. Non, il a absolument quelque chose au démon, il n'a pas su que le Seigneur entre. Comment ça ferait? Comment? Le Seigneur devait entrer comment? Comment la personne devrait faire que le Seigneur entre? En croyant au Seigneur. Oui. Crois comment? C'est maintenant comment la dérivée, il a dit que je crois en toi. En disant que je crois en toi, il entre, femme, il entre, il s'assoit là-dedans. Après la délivrance, toujours celui qu'on dit à celui qui a été délivré d'aller et de ne plus pécher. Uh-huh. Peut-être après sa délivrance, il va continuer avec son ancien. Mais quand Jésus l'a délivré, pourquoi lui n'est pas entré? Parce qu'il y a un temps où il quitte l'endroit où il l'a délivré pour partir, comme tu as dit. Pourquoi quand le Seigneur l'a délivré, il n'est pas entré dedans? Alors? Notez que l'onction à l'intérieur d'un croyant est différente à l'onction agissant sur lui. Notez cela. Notez que l'onction à l'intérieur d'un croyant est différente de l'onction agissant sur lui. Vous comprenez? Vas-y. Tu as écrit tout. Là, ma vélo qui te dépasse, me dit, ah. L'onction à l'intérieur d'un croyant est différente à l'onction agissant sur lui. Dans 1 Jean chapitre 2, je crois que c'est même pas le thème là, on veut. Dans 1 Jean chapitre 2, si vous lisez le verset 18 là, jusqu'au verset 27, oui, comme ça dit qu'il y a plusieurs antéchrists maintenant qui sont venus au milieu de vous. Je veux dire ça. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui. L'onction que vous avez reçue de lui fait quoi? Demeure. Vous avez vu, n'est-ce pas? Demeure. Habite. Tabernacle en vous. Vous avez remarqué? L'onction que vous avez reçue de lui, tabernacle en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne. Ici, il n'est pas parlé de l'aspect de la puissance du Saint-Esprit. Ici, il est parlé de la personne du Saint-Esprit demeurant dans le croyant. Parce qu'on utilise le mot onction à tort et à travers. Là-bas, dans ce livre de 1 Jean, il n'est pas fait état de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit tabernaclant pour révéler les vérités aux croyants. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, celle-ci donc, est différent de l'onction qui est sur le croyant. Comme par exemple, il dit, il va donner par exemple le vêtement de la délivrance. Il va l'habiller, t'habiller le vêtement de la délivrance. Ces vêtements donc peuvent changer. Exactement comme vous portez le vêtement aujourd'hui, vous portez le vêtement, vous portez un autre vêtement, ça change. Vous me suivez, frère? Et donc là, il y a des gens. Bon, ne parlons pas de cela. Des questions? J'avais une question pour lui dans les anciens. Bon, tout à l'heure, comme vous parlez de ce que je viens de lire, je ne viens pas arrêter. Bon, j'avais un élément dans Jean 14, verset 3, où il dit, et ses parents à Jésus, non pas les sages. Parce que avant Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure à lui. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'il y a la grâce qui peut s'appeler Dieu, qui chasse un démon. Ce n'est pas pour autant qu'il viendra, c'est s'appelle forcément. Donc, même dans cette question de l'amour, du père, et tout qui vient. Dans ce cas, comment la personne-là, qu'il n'a pas réussi cela pour qu'il vienne habiter en lui, comment il va faire pour le monsieur qui est sorti n'entre plus? Comment? Je ne sais pas parce que par le Seigneur au Père, il va dans quelqu'un. Moi, si quelqu'un acheté la livrande longtemps, il ne l'a pas trouvé, il vient encore au Seigneur pour tester sa marche. Il peut rentrer en lui et se dire que vraiment, bien marqué ça, il ne l'a pas donné. Bon, ça vaut quand même la peine de. Et partant de là, il s'attache. Lui, par cet attachement-là, c'est une autre chose. Plus de recevoir les parties, il peut ouvrir les parties, mais loin de pour recevoir. Mais tu es d'accord que ce que tu viens de dire, c'est que même cet attachement-là, c'est une œuvre de la grâce du Seigneur. Donc je recommence encore. Comment quelqu'un, donc, que le Seigneur a délivré, peut rentrer et que les autres-là viennent encore habiter? C'est, autrement dit, que doit faire celui qui a reçu cette chose-là? Quel est le message derrière? Si vous lisez votre livre, Si vous lisez le livre des deux rois au chapitre 6 et au chapitre 7, vous allez trouver allons-y là-bas, regardons quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer quelque chose. Au livre des deux rois. Je crois que la dernière fois, vous avez donné les passages que vous lisiez. Non. Chapitre 5 de Deux Rois. Deux Rois, chapitre 5. Vous connaissez l'histoire du Syrien, là, maintenant, du général Syrien. L'histoire du général Syrien. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Ok. C'est un Syrien qui avait quoi? La lèpre. Donc, c'est la lèpre qui était sa maladie, n'est-ce pas? Maintenant, regardons la guérison. Il va aller voir, vous connaissez l'histoire, il ne veut pas revenir au niveau de l'histoire. On va regarder après sa guérison. Regardons. Verset 15 est suivant. Naaman retourna, nous sommes dans 2 rois, chapitre 5, à partir du verset 15. Vous y êtes? Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2000 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir. Écoutez bien. Vous tous qui posez des questions, écoutez très attentivement. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Vous y êtes? Maintenant, écoutez. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, souvenez Rimon. Quand mon maître entre dans la maison de qui? À Jérusalem se trouve la maison de qui? En Syrie se trouve la maison de qui? Rimon. Rimon c'est qui? Une divinité dont le roi du pays de Syrie. Il est général de l'armée, donc le bras droit du roi. Il a dû lui expliquer quelque chose. Parce que là il s'est déporté de la Syrie pour aller en Israël rencontrer le prophète. Quand il finit maintenant, il a dû expliquer au prophète que lorsque le roi du pays, il dit désormais, lui, il ne doit plus offrir un autre sacrifice, une holocauste à autre Dieu qu'à l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'habitera pas en Israël. Il n'habitera pas en Israël. C'est en Israël qu'on offre des sacrifices et des holocaustes selon le plaisir du Seigneur. Parce que c'est là-bas qu'il a fait désigner pour y faire résider son nom. Si il va dans notre pays, tout ce qu'il fait, c'est pour lui et son Dieu. Vous voyez? Maintenant, il avait expliqué à Élisée ici, au prophète Élisée, que lorsque le roi va sur. Enfin, lisons cela. Verset 18 encore. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Maintenant, il demande déjà pardon parce qu'avec ce qu'il a vu, il a vu qu'eux, ils servent le faux Dieu. Mais il demande à Élisée que, s'il te plaît, dis à ton Dieu là, déjà de me pardonner. Je ne suis pas un juge comme vous. Quand il va rentrer là, il va encore aller de l'autre. Mais qui me. Pardon, suivez attentivement. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit quoi? Non, Élisée lui a dit que convertis-toi en Israélien. Elle a dit quoi? Je veux qu'on m'explique ce que le prophète lui dit par va en paix. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça dit quand il va aller chez Rimon, il va dire Kangang, tonton Rimon, bonjour. Ça, c'est pas toi qui adore, hein. C'est le Dieu des Juifs. C'est ça qu'il a dit. Il veut donc que vous entendiez les paroles du prophète. Ceux qui disent que Naaman ne sera pas condamné par le Seigneur, lève la main. Ça veut dire que cette personne n'est dans le camp de Naaman ici. Ceux qui disent, ou bien ceux qui pensent, après ça va lui ceci. Que d'après ce qu'on vient de lire ici, Dieu ne tiendra pas compte de Naaman comme idolâtre lorsqu'il va le juger. Ceux qui pensent ainsi, lève le doigt. Il y a d'autres qui rêvent qu'à milieu comme ça. Comme ça, la prochaine fois, on dit sur l'autre, il lève aussi le doigt. Donc, parmi les femmes, donc celle-ci, maman, la conductrice, tu lèves ou tu ne lèves pas finalement. Donc, il y a deux femmes. Une, deux, trois, quatre. Mais ça lève le doigt. Je vous ai remarqué, vous dites qu'il lève le doigt. Hein. Maintenant, ceux qui pensent que qui se prosterne, qui ne se prosterne pas, Dieu va le juger, lever la main. Comment il se prosterne ça veut dire qu'il le veut ou pas. Comme il a, quand il est parti là comme ça, s'il se prosterne, il est parce que de toute façon, il va servir le Dieu de ce pays. N'est-ce pas? Dieu va le juger, il va le condamner pour l'idolâtrie. Parce qu'on ne doit en dehors pas un autre Dieu en dehors de lui. Levez le doigt. Il n'y a pas une troisième question, c'est les deux questions. C'est quand même curieux. Ceux qui ne pensent rien, laissez le baisser le doigt. Ceux qui ne pensent rien, levez la main. Celle ne pense rien. Toi, tu ne penses rien. Comment tu peux ne pas penser rien? C'est parce que tu n'as pas compris, tu ne penses pas. Écoutez très attentivement. Qui a désigné Naaman pour venir être guéri là-bas? Qui a désigné Naaman pour venir être guéri là-bas? C'est le Seigneur. Jésus, quand il était sur terre, il a dit que souvenez-vous qu'au temps du prophète Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais ce n'est que Naaman le Syrien qui fut guéri. C'est en ce niveau de la grâce pure et de la prédestination. Vous voyez là, n'est-ce pas? Maintenant, quand il vient, il est guéri. Il comprend effectivement, parce que personne ne lui a prêché l'évangile. Personne ne lui a prêché la Torah. Il a reçu la guérison, il a compris que ce n'est pas normal. N'est-ce pas? Maintenant, qui lui a parlé de l'aspect de l'idolâtrie et de la crainte de Dieu? Élisée, vous avez vu Élisée prêcher l'évangile là-bas? Il a seulement dit que va te laver. S'il s'est lavé, il partait. Le premier, ils étaient là. Il s'est lavé, il a compris que quand la Bible déclare, on a lu à partir du verset 15, ou déjà à partir du verset 7 en descendant, la Bible déclare que lorsqu'il est entré dans l'eau, qu'elle est sortie, septième fois, sa peau était comme pour un jeune bébé. Il a compris donc que ce n'est pas normal. Il est descendu avec toute sa suite. Il dit, il te donne le cadeau. Jamais, ne prends pas ton corps. Il te donne le corps. Non, Jean. Demande les terrains. Il te donne les espaces de terrain pour que tu construis l'église catholique. C'est ça. Il a dit, jamais, il ne prend pas. C'est les catholiques. Ah, ils prennent tout cela. Construis une grande batterie avec le mari et le cimetière batterie pour faire les holocaustes et les sacrifices. Il a dit, non, je ne ferai pas. Là, maintenant, c'est lui. Écoutez tout ça attentivement. Le prophète Esaïe, enfin, Élisée ne lui a pas parlé du Dieu d'Israël. Nous sommes d'accord. Il ne lui a pas parlé du livre de la loi. C'est aux Israéliens, si vous lisez le Deutéronome au chapitre 10, verset 17 et suivant, c'est à eux donc qu'on avait dit quand le roi sera dans le pays, il faut qu'il prenne une copie de cette loi-là. N'est-ce pas, mes frères? Pour qu'il ait le temps, quand il sera sur le trône, pour qu'il lise, pour pouvoir juger fidèlement. Mais à lui, on n'a pas dit quoi que ce soit. En fait, même en Israël, avant qu'on l'envoie là-bas, lorsque la jeune fille qui travaille comme ménagère chez elle avait dit que, oh, si mon maître était en Israël, c'est que le prophète guérirait c'est de sa lèvre. Quand elle allait dire pour demander la lettre d'accréditation ou bien la lettre de voyage à son roi, le roi croyait que c'était le roi du pays d'Israël qui guérissait. Il a écrit la lettre que quand cette lettre sera lue, sache qu'il est écrit comme ça pour que tu guéris mon serviteur. Le roi d'Israël a dit que vous avez vu, c'est le problème qu'il cherche comme ça sur moi. Il cherche un sujet pour que s'il ne guérit pas Naaman, il crée la guerre. Je suis un Dieu pour guérir. Pendant qu'il a fait cette place-là, il a envoyé, disant que Naaman descend ici. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël, parler des prophètes. Et donc là, voilà donc les intercations qu'il y a eu. Quand le monsieur guérit, il se tient devant le prophète. C'est lui qui commence à comprendre qu'ils sont dans l'idolâtrie. C'est lui qui a compris qu'ils sont dans l'idolâtrie. Or, nous entrons dans cette connaissance-là lorsque nous avons lu les Écritures, lorsque nous avons écouté les Évangiles. Mais lui, personne ne lui a pas prêché. Comme maintenant, on finit de prier pour quelqu'un, après on dit que non, donne ta vie à Jésus, reste dans la parole. Qui lui a parlé? Alors, le Saint-Esprit lui a dit, va en paix, tu n'es pas coupable. Amen. Le Saint-Esprit lui a dit, va en paix, tu n'es pas coupable. Donc si vous lisez, donc comme le Saint-Esprit a dit à Osée que va prendre une prostituée, il dit que ok, comme il n'y a plus de prostituée, moi aussi je prends. Il lui a dit que pour toi, tu n'as pas de prostituée, tu n'es pas une prostituée. Mm. Ah, c'est Dieu qui a dit. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc si je lis, il a dit que mais Naaman Syrie, l'usé lui a dit que va en paix. Moi aussi, si il met Marie chez moi, il met Michael, ça fait quoi? Si on t'a dit va en paix, c'est que c'est bon. Si on ne t'a pas dit va en paix, c'est que tu es en guerre. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Regardez cet aspect-ci vis-à-vis de ce qu'on a entendu dire dans Jean chapitre 5. Ou bien dans Luc chapitre 11, comme il a posé la question. Après la délivrance, la personne doit vivre égarée. Celui-ci est gardé sa délivrance. Celui-ci, comment il devait vivre? Quand il devait entrer ses rimes? Comment? Donc ça veut dire que quand le roi vient de passer, le roi vient poster sur son bâton. Parce que quand il dit que le roi s'arrête sur sa main, ça veut dire qu'ils sont les premiers devant le. Parce que quand vous voyez quand il y a la fête et que les grands sont là, les gens qui sont devant, ce sont les grands, les hautes personnalités. Tu ne peux pas être à côté du roi, à côté de toi. Le roi se met à genoux, tiens, il se tourne, tu es sur la chaise. C'est que ta tête va quitter là-bas. C'est ce qu'il a dit. Ça ne veut pas dire que le roi se met sur sa main. Ça veut dire qu'il est la première personne à l'office d'adoration des Rimmon. C'est ce qu'il a dit de dire. Il n'est pas fait autrement. Il n'est pas fait autrement que je fuis, mais pas à m'asseoir d'abord, désormais derrière. Son poste de général lui donne office de s'asseoir à côté du roi. Si le roi s'est posté comme ça, Dieu remonte, tu es avec moi. Non, m'a dit que je suis resté ici, ma part est venue maintenant. Seigneur, pardonne-moi, continue à me pardonner, tu suis mort, c'est pas toi. vous voyez le problème, n'est-ce pas? Or, il ne peut pas rester en Israël. Parce que si il reste en Israël, on va faire la guerre en Israël que tu as coopté notre général pour puiser les informations là-bas. Il faut qu'il rentre dans son pays. Dieu lui a dit, va en paix, ta part d'idolâtrie ne te comptera jamais. Donc c'est la grâce. Des questions, frère? Comme je disais, tantôt, j'ai encore une question dans le temps. En fait, bien méditer et avec quelques difficultés à comprendre à un certain niveau. Si seulement vous pouvez parler fort. C'est vous qui fermez la bouche comme ça pour que les femmes parlent. Je fais l'effort de parler. Tu as dit ta voix est partie parce que tu as crié fort. Mais quand je vais voir aussi la délivrance de la femme. Tu regardes quoi les voix, frère? Non, je suis en train de méditer. Je vois aussi la délivrance de la femme qui était venue voir le Seigneur Jésus. Elle a supplié de délivrer sa fille. Et sa fille n'était même pas présente, n'est-ce pas? Oui. Sa fille n'était pas là-bas où c'est passé. Sa fille était loin. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Ou bien tu as oublié les circonstances. Là où la maman est en train de demander, sa fille n'est pas là, sa fille est à la maison. Oui. Jusque ça a dit que va, tu vas le trouver ici. On dit à cette heure-là même, le démon est sorti de la fille, oui. N'est-ce pas? C'est ça. Qu'est-ce que tu lui dis donc? Non, ce que je voulais dire, c'est que tu sais, le Seigneur Jésus a traité la femme de l'être chien. Uh-huh. Et après. C'est la même femme, frère. C'est la même femme. Non, frère. Et comment tu dis qu'il a traité la femme de chien? De homme de chien, hein? Chienne. Oui. Hein? Donc c'est la femme-là qui l'appelait chien, frère. L'esprit est en elle. Donc je suis laissé l'esprit du chien qui est allé chasser pour se sur l'esprit de sa fille. Donc ils sont en train de parler spirituel, langage spirituel ici. Ce n'est pas la femme qui l'appelle chien. Il a dit de prendre des terminologies pour expliquer à la chose de la sainteté avec les choses de l'impur. Ce n'est pas la femme qui l'a allé l'insulter, d'accord? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Ce que vous voulez dire, c'est que. D'après les conversations, on comprend si justement que la grâce n'a pas été, que la grâce n'est pas pour cette femme-là, mais mm-hmm. c'est plutôt pour une certaine catégorie de personnes. Mm-hmm. Donc, comment elle a fait pour avoir là sa part alors? Elle a arraché. Elle a cru. Bon, elle a arraché. Dis une fois comme ça. Elle a imité sur la grâce qui n'était pas pour elle, n'est-ce pas? Mm-hmm. Hein, mon frère? Mm-hmm. Notez, la dernière fois nous avons fini avec psaume 31, si vous n'avez plus de questions. Vous avez noté chapitre 8 des Romains, le verset, c'est ça n'est-ce pas? Nous avons donné le psaume 31, on n'a pas lu, pas vrai? Romains chapitre 8, verset 29 à 30, notez jusqu'au 32 ou 35, notez. Donc, on continue dans cette suite de protection, mais il n'y a pas assez de temps, je ne sais pas. Je crois que c'est mieux qu'on continue avec les questions parce que si on prend ça, c'est long. Bon, mais notez Josué, le chapitre 24. Josué, chapitre 24, on va y revenir comme ça la prochaine fois qu'on vient en brosse seulement. Notez le psaume 103. La dernière fois, nous avons lu le psaume 103 justement. Et le frère Blaise nous a lu verset 3, 4 et 5. Où il est dit autant les péchés sont quoi, celui qui pardonne nos iniquités. Notez le psaume 105 maintenant. 105. Le psaume 29 et le psaume 34. Notez Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 12. Je crois que vous avez noté ça la dernière fois. Chapitre 27, Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 15 à 27. Voilà. dans la cette première partie, nous parlions de la protection de Dieu, comment Dieu veille sur nous, comment il protège, nous protège, n'est-ce pas? Prenons des questions, on va y revenir. Si vous avez des questions, épuisez toutes les questions. Je suis étonné que vous n'ayez pas de questions, je suis vraiment étonné. Oui, mon cher. Une question que dans le livre de Jean, au chapitre 5. Mm-hmm. Donc, continuons ma lecture à partir du verset 31. Bon, il est dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Mm-hmm. Donc, c'est cela. Et bien, il dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a dû accomplir, les œuvres même que je fais, témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et si les questions des œuvres, qui témoignent de lui, c'est le Père qui l'a envoyé. Donc quand j'ai vu dans le verset 39, puis il y a une écriture, il dit là-bas, vous sortez les vies parce que vous chassez. Vous sortez les vies parce que vous pensez avoir amené la vie. Ce sont quelqu'un qui vont témoigner de moi. Bon, là-bas, le L là, je me comprends si c'est elle qui a accepté aux écritures, que cela sombre. Ou alors le L là, c'est parce qu'il a encore aux œuvres, parce qu'il a porté le Père en vie, parce qu'il est bon. Quand ça, les œuvres, il fait. Relais encore, c'est dans quoi la phrase? Je ne sais pas comment vous passez devant la Bible, vous lisez. C'est quoi, c'est ça qui vous crée des problèmes. La phrase que tu lis dit exactement ce qu'elle en est. Tu peux chercher les œuvres quelque part. Allons-y encore. Vous sondez. Bon, et dans ce verset 39, vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie. Oui. Éternelle. Oui. Ce sont celles qui rendent témoignage. Comment tu me poses la question? Elle l'a aimé pour œuvre. Qu'est-ce que œuvre vient faire là-bas? Ils sont de quoi, les œuvres ou les écritures? Vous allez dans les écritures, croyez que vous allez avoir la vie. En fait, vous lisez les écritures, vous devez savoir que ça parle de moi. C'est compliqué, frère. Et c'est compliqué alors. Et mon frère, vous lisez les écritures. Vous pensez qu'en lisant cette écriture, vous allez avoir la vie. Si vous allez dans l'écriture de la bonne façon, vous saurez qu'elle parle de moi. Il a parlé des écritures. Il a fini avec les œuvres depuis là-bas. Tu viens encore prendre les œuvres, tu mets. À cette minute, tu vas dire que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était, elle était la lumière. Elle, la lumière était la vie. Elle est mise pour la vie, pour la lumière ou même pour la parole. Des questions? Oui, mon cher Hervé. Oui, je veux savoir comment, dans le chapitre 1 du verset 11, oui. L'apôtre Paul dit que tu désires aller voir ces frères. Il faut leur communiquer quelques dons spirituels. Dons spirituels. Oui. Je veux savoir, les dons spirituels, les apôtres les communiquent seulement par l'imposition des mains, oui. Ou bien aussi par la présentation des mains. Voilà, donc je crois qu'il y a l'enseignement. Se disposer, prenez le temps de prendre les enseignements sur les clés, parce que j'ai parlé de ça, je ne sais pas si c'est avec les gens de la Belgique, quoi la Belgique sera résolue là-bas. Prenez vous écoutez pour vous. Des questions? Oui, ici. Je voudrais savoir, on dit dans Matthieu 6, oui. On dit amasser des trésors, je voudrais savoir comment on fait. Comment? Comment on amasse des trésors pour le ciel? Comment amasser le trésor pour. Voilà les bons sujets. Voici donc des choses qui me plaisent. Parce que si vous permettez de vous préparer pour le haut, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Prenons quelque chose de tout. Regardez la question. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Notez ça comme thème. Donc. Il a dit donc, d'après Matthieu chapitre 6, verset 20, comment amasser le trésor pour le ciel? Prenons tout autour. Quelles des questions? Gardez cela comme thème. Comment amasser le trésor pour le ciel? J'attends les questions. Frère. Oui, je voulais encore poser une question dans Matthieu 11, verset 8. Bon, là-bas, il y a une question d'un rosé, un roseau cassé. Oui. On compare Jean à un roseau cassé. On veut savoir exactement de quoi est-ce qu'il est. On dit quoi concrètement? Je suis sûr que c'est les gens dont on parle là. Oui. On demande qu'est-ce qu'il faut aller voir dans le désert. Dans le désert, un roseau agité par le vent. Lidon. Tu as dit que c'était au Déa ou Matthieu 11. Ok, au moins là, il a retenu aujourd'hui. Matthieu chapitre 11. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Attends d'abord, les gens ouvrent. Comment vous êtes calme comme ça? Vous n'êtes pas fier pour votre délivrance? Vous êtes vraiment sérieux, hein? C'est pas ici qu'on est sérieux, c'est dehors. C'est Dieu qu'on est sérieux. Matthieu chapitre 11, verset 8. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens. Mm-hmm. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Oui. Un roseau agité par le vent. Oui. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme, voici. Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Mm-hmm. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on le compare à un roseau acheté. Avant, je vais reprendre la question. Pourquoi on le compare aussi à les hommes? Pourquoi on parle des hommes qui ne sont pas bien habillés et ceux qui sont habillés sont plutôt avec les rois? Bon, parce que dans le désert, Jean n'était pas habillé comme un roi. Donc on peut pas bien s'habiller dans le désert. Bon, je veux dire Jean spécifiquement. Parce qu'on a dit qu'il était habillé de poils de... C'est parce qu'il était dans le désert. Non, je ne dis pas que c'est parce qu'il était dans le désert. Je dis que c'est par rapport à son habit que j'imaginais qu'on a dit que... Oui, pourquoi ils ont dit donc, est-ce qu'un homme qui est bien habillé, mais ceux, on dit ceux qui s'habillent bien sont plutôt dans le palais du roi. Qu'est-ce qu'on a, pourquoi on a dit ça? Rien là encore. On dit, mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons du roi. Pourquoi on dit cela? Qu'est-ce qui attire les gens, les gens? Qu'est-ce qui peut bien attirer la mouche et le sucre? Bon, regardez très attentivement. Tu poses la question, je vais répondre seulement à ta question sans développer. Tu as dit le roseau. Quelle est la différence entre le roseau et un arbre? Le roseau est fragile. Hein? Alors que le labre? Qu'est-ce que la Bible déclare dans le psaume 1? Vous allez parler à haute voix. Oh, c'est pas vrai. Celui qui médite la parole de l'Éternel et qui la médite. Tu n'as pas de voix, ta voix est partie. On fait comment? Allons-y par ici là. Cet homme-là est comment? Pourquoi il est comme ce style d'arbre là? Pourquoi dans cette phrase-là, dans ce passage-là, pourquoi on le compare comme un arbre? Cet homme-ci, pourquoi? Qu'est-ce qui fait de lui ce style d'arbre qui est à côté de lui, dont la racine se plonge chaque fois dans l'eau pour tirer pour que son feuillage ne vienne pas dans le cadre d'une tempérie? Ça ne fait pas. Le contact avec la parole de Emmanuel. Vous pensez qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait dans le désert? Il était dans la chasse. Qu'est-ce qu'il faisait? Avait-il les rouleaux? Non. Où se fortifiait-il? Pour que quelqu'un sorte comme ça, là, les rouleaux, il faut que vous compreniez, c'est pas la Bible qu'on déposait n'importe où. C'était des rouleaux, et les rouleaux n'étaient pas conservés n'importe quoi. Les rouleaux n'étaient pas conservés n'importe comment. On les roulait, il y a un endroit où on dépose là, dans les tabernacles, bien gardé, chez les Juifs là. Donc, lui sort, pam, pam, pam. On dit, tu es qui? Il dit que je suis celui dont Isaïe parle. La voix de celui qui crie dans le désert. Lui, il a appris ça. Où il y a les rouleaux là-bas dans le désert, frère? Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Donc, quand il fait, vous pouvez vous retirer quelque part pour aller prier, non? Quand vous partez, vous laissez votre Bible. Lui, il était là sans Bible. Il était sans Bible. Il y a des chrétiens que s'ils dorment, on brûle toutes les Bibles, il est fini. Fini. Il est bien fini. Mais regardez bien que ces gens-là n'avaient pas de Bible. Mais ils se tiennent là. Ils parlent la parole de Dieu. On dit que tu es qui? Il dit que là où il se trouve dans la Bible. Comme a dit le prophète Esaïe. Il y a des choses, si je vous dis vrai, vous n'allez pas me saluer. Quand les prophètes rentrent dans le désert, s'il y a des choses que je vous dis, vous n'allez pas me saluer. Mieux on reste sur ce qu'on a écrit là. D'accord, frère? Bon, maintenant écoutez. Le roseau, si je prends le roseau, vous prenez le sisongo. Vous regardez par temps de vent. Quand le vent passe, vous allez vous regarder le grand matin, vous voyez que les arbres sont couchés d'un côté. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Ou bien même le maïs. Prenez juste même le maïs. Quand le maïs est semé, quand le vent vient, le vent violent, vous voyez que ça pousse le maïs comme ça. N'est-ce pas? D'un côté, ça va à la direction du vent. Si le lendemain, le vent va de cette façon, il se pousse comme ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit, Jean-Baptiste n'est pas manipulable. C'est ce que le Seigneur avait dit. Jean-Baptiste n'est pas manipulable. Il n'y a pas des gens qui ont pu dire que aujourd'hui, je suis, vous appelez quoi, sadducéen. Et puis demain, les sadducéens essaient de le convaincre, il devient pharisien. Et puis le pharisien, je devais le convaincre, il devient ceci. Quand il vient, il dit, il sait de quoi il est question. Donc, il est solidement assis dans ce qu'il fait. Il est solidement assis dans ce qu'il fait. On ne peut pas le manipuler, il ne va pas à tout vendre des doctrines. C'est ça qu'il a entendu. Tu as compris maintenant, frère? Parce que par exemple, les roseaux, ce sont les gens qui sont immatures. Qu'on peut les trimballer n'importe comment, avec un coup de vent. On ne fait pas comme ça là, il ne fait pas demain. Ah, je ne suis pas convaincu. Tu sais ce que le pain, qui t'a même dit que le pantalon c'est pour les hommes ou c'est pour les femmes? Ah, non, c'est aujourd'hui. Ah, non, maintenant je commence à porter seulement un seul point. Je ne porte pas trop les boucles, ce n'est pas extravagant. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors que dans ce qui est sûr, c'est que qui t'a demandé de percer les oreilles. C'est ça qui fait que l'âme soit debout. Qui t'a d'abord demandé de pain, c'est pour mettre seulement la pointe. Vous aimez quand on parle de femmes comme ça, les hommes mariés vous attendent. On parle des hommes comme ça, des femmes, on vous tape les pieds comme ça. Des questions? Souvenez-vous des titres là. S'il y a le temps, on va voir cela. Oui. Je voulais encore poser une question dans Matthieu. Matthieu 13, verset 12. Il est dit là-bas, on donnera à celui qui a. Mm-hmm. Et on enlève. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Oui. Comment on va enlever quelque chose à quelqu'un qui a, hein? Uh-huh. Des questions? Bon, si on doit t'enlever quelque chose, on va t'enlever quoi? Oui. Donc tu ne sais même pas. Donc comme tu ne sais même pas, on enlève même la chose qui était là que tu ne savais même pas. Frère, des questions. Oui. Matthieu chapitre 15. Uh-huh, maintenant cette fois-ci. On dit qu'il ne créera pas dans les rues. Jusqu'à ce qu'il éteigne le lumignon qui fume. Oui. Il vous attendait là-dessus. Pose la question. On dit qu'il ne brisera point le roseau cassé. Oui. Il n'éteindra point le lumière. Jusqu'à ce qu'il ait fait. Donc Jésus n'était pas venu pour casser les dénominations. Comme on a pris le cas de roseau cassé, là, le roseau cassé. Il y avait des gens qu'on avait tellement manipulés. Ces gens-là, justement, vont venir devant Jean-Baptiste. Écoutez très attentivement, sur les Luc chapitre 3. Ces gens-là vont venir devant Jean-Baptiste, tellement troublés. Il y avait le groupe de pharisiens, les sadduciens là-bas devant lui. Dis-nous, qu'est-ce qu'ils feront faire? Il dit, repentez-vous que chacun de vous soit préparé parce que le royaume de Dieu est proche. Ils sont tenus devant lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jean-Baptiste, on croit qu'il va donner une nouvelle doctrine. Que celui qui a Dieu est unique, donne-en à celui qui en a. Voilà. La question c'est, les grands docteurs, les prophètes, ou bien les grands sadducéens, souverains sacrificateurs, c'est-à-dire les généraux Ovasia, qui étaient là, qu'est-ce qu'ils enseignaient? Oh, on s'attendrait à ce que quand ils vont venir, qu'on a pom pom, parce que toute la foule allait là-bas. Avez-vous vu quelque chose que Jean-Baptiste a enseigné qui est nouveau? Non. La question c'est, pourquoi? Pourtant, il y avait des groupes, tous là étaient religieux. Ils lisaient la Torah, pas vrai? Jean-Baptiste vient. Celui qui a dû tenir donc à ce qu'il n'en a pas. Et celui qui a fait telle chose, a fait ceci. Et pour les soldats, et nous, les soldats, qu'est-ce que vous faites? N'existez pas. Oh, que ce qui vous a été. Contentez-vous de votre stone. Frère, c'est nouveau? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient déjà manipulés au point où les gens allaient des zones et l'aune. Donc, tous ces gens-là étaient donc des roseaux quoi? Cassés. C'était des roseaux déjà. Donc, un temps, nous sommes les sadducéens. Il n'y avait rien sur lequel doit se tenir. Il faut d'abord que Christ établisse la justice pour que ces roseaux-là maintenant ne soient plus seulement les roseaux cassés. Il ne peut pas les casser, il ne vient pas pour les briser. Il vient pour établir, parce que la Bible déclare dans Isaïe chapitre 46 et chapitre 48 là, qu'il devait établir la loi par sa bouche. La justice devait être établie par lui. D'accord? Or maintenant, la justice, c'est que quoi? Ça veut dire que les gens devaient vivre dans sa justice à lui. Et c'est ça que Jean-Baptiste a commencé à s'aimer comme ça. On ne jugeait pas justement. Si vous lisez Isaïe chapitre 47 et puis Isaïe chapitre 54 particulièrement, et Isaïe chapitre 57, il dit que nous attendons la délivrance. Et la délivrance est éloignée de nous. Nous tâtonnons en plein midi. C'est pas frère. Pourquoi ils attendaient la délivrance et la délivrance n'est point là? Il dit que la justice quoi? La justice quoi? Tombe sur la place publique. Parce que lui ne plaide avec justice. C'est-à-dire que physiquement en Israël, il n'y a pas de justice. Comme vous dites aujourd'hui, que la loi des plus forts, allez au tribunal. On dit que dans la loi principalement, on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Va au tribunal, on va te dire de quoi il est question. On va là-bas dire qu'un riche soit là, peut-être. Quelqu'un qui a acheté tout un terrain à côté de ton terrain et il prend tes 2 cm, vous allez au tribunal. Va, tu vas récupérer ça, on voit. Tu vas savoir qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Il ne vient même pas au tribunal. Toi-même, tu ne viens pas mettre cueillir chez toi. Lui, il ne vient pas. Ses avocats partent. Parce qu'il est tellement un grand type. Il ne peut pas se présenter au tribunal. Pas vrai, frère? Il fait chaud là-bas. Nul n'est au-dessus. C'est comme ça en Israël. Alors, les gens vivaient dans tout genre de choses. Les gens ont été perturbés, ils ne savaient pas dans quelle direction prendre. Quand on ne sait pas à quelle direction prendre, on est des réseaux passés. Que quoi? Cassés et cassables. Donc, il faut que la justice rétablisse les choses. D'accord, mon frère? Oui. Mm-hmm. Maintenant, les lumignons qui fument, ça veut dire quoi, frère? Est-ce que tu as un extrait de vérité? Nathanaël, n'est-ce pas? Des questions? Des questions? Vous avez des questions? Je vais poser une question dans Matthieu. Je crois que vous, les hommes, vous donnez le thème. Vous donnez le thème, vous allez préparer. Parce que je crois que ça comme ça, vous travaillez avec vous. Et il y a des gens qui veulent ouvrir la Bible, ils attendent que d'autres parlent, ils notent. On dit telle chose, ils notent, ils notent. Vous allez voir les versets, il y a des colonnes de versets comme ça là. Celui-ci, il ne sait pas comment il fait son portable. Il est peut-être que 2500, 3000, 4000. Alors, comme ça. S'ils sont là, vous dites que vous avez vu quoi? Il ne peut pas dire parce qu'il ne prend pas de notes. Des questions ici, oui? Je voulais savoir dans Matthieu 13, à partir du verset 31, on dit... Attends, on peut voir. On a d'abord tout lu quoi, frère? On est en train de poser les questions dans Matthieu 11. C'est la question que j'ai posée. Il dit qu'on a d'abord lu quoi. Il dit qu'on a de poser la question à Matthieu 13. Allons-y, lisez. De quel livre? Quand tu veux poser la question, pose, dis le livre pour que les gens ouvrent le livre et ils vérifient que c'est ce que tu as dit. Matthieu 13, à partir du verset 31. Oui. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que tous les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, ce que je voulais, en fait, j'ai un peu médité sur ce verset. Et ce que j'ai compris, c'est que Dieu veut, par là, dire que le royaume des cieux est tellement méprisable, évidemment, parce que ce n'est qu'une parole qu'on donne. Mais les choses qui sont associées derrière, il y a la vie, il y a beaucoup de choses. Donc, ce que je voulais savoir, si c'est exactement ça que... C'est à peu près ça, parce que c'est un autre aspect du royaume que tu as appris là. C'est l'autre aspect, parce qu'il n'y a pas un seul aspect du royaume. C'est pour ça qu'il faut parler des grains servis comme un drachme qui est perdu, dont on a retrouvé. Comme un filet qu'on jette, ouais, le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas uniforme. Ce n'est pas standardisé parce que ce n'est pas explicable avec nos langages. La seule façon de l'expliquer, c'est par parabole, en image. Parce que tout ce que nous avons ici en image, ce sont des symboles du royaume. C'est pour ça qu'il explique. Il dit que telle chose que vous observez, c'est un symbole du royaume. D'accord? Il y a une question. Comment s'aimer son trésor dans les cieux? Il est vrai. D'excellence action de grâce, mais nous n'en avons pas difficile. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 14, mon cher. Oui, 1 Corinthiens 14. Et comment rendre d'excellence action de grâce? Qu'est-ce qu'on a dit dans ces passages? Avant de lire le verset 17, le verset 16 dit quoi? Autrement, si tu rends grâce par l'esprit. Donc, on se dit qu'on rend grâce pour moi. Par l'esprit. Dans l'autre, on rend des excellentes actions de grâce. C'est ce qu'il a dit, non? Comment vous lisez le même passage? Le passage dit la chose, vous posez la question. Il dit que comment on rend cette déjà de grâce? On dit que c'est par l'esprit. C'est prier par l'esprit. C'est pas ça qui est écrit à frère. Moi, je te dis maintenant, c'est quoi donc? Comment est-ce qu'on fait ça? Prier par l'esprit. Oui. C'est prier étant sous l'inspiration de l'esprit. Simple. C'est pas l'intelligence. Simple. C'est pas ça, frère. Des questions? Quand vous répondez comme ça, c'est bon. Si vous ne posez pas de questions, je vais vous regarder maintenant, à chacun, je vais vous donner un thème que vous allez développer. Allons-y. Et je vais vous donner ce soir avant de quitter. Tous les hommes là. Même si tu poses. Je ne vois pas que maintenant il pose. Il n'avait pas dit. J'ai déjà dit que je vais vous donner chacun un thème à l'issue de ceci avant de sortir. Comme ça va vous pousser à travailler. Pose la question, frère. La question, c'est... Je veux savoir où était Daniel quand les autres sont passés dans le feu. J'ai écouté l'enseignement, la grande tribulation. Qui a écouté? Bon, c'est 9 heures de temps. Va, tu prends 9 heures de temps. T'enfermes, tu écoutes doucement. Doucement, tu vas savoir les questions. Parce qu'il était enfermé. Enferme-toi, tu vas le repérer. D'accord, frère? Voilà. L'enseignement, enlèvement et grande tribulation. C'est 9 heures de temps. On avait fait ça 9 heures de temps. C'est à cause de ces choses, c'est qu'il y a son arrivée maintenant que le Saint-Esprit a permis qu'on fasse ça avant. Parce qu'on n'aura pas, pas le temps. Il y a le moment, on n'aura pas le temps. Les enseignements qu'on a dû faire là, il y aura le moment, on n'aura pas le temps. Il n'y aura plus de temps. Même si vous voudrez avoir le temps, vous n'aurez plus le temps. Accumuler. Des questions? Oui, une question. Oui. Ça concerne la résurrection. Oui, la résurrection. Il y a dans la vie de Dieu, au roi, chapitre 4. Lorsque Élie est ressuscité, la fille du roi La fille. Le fils parle de la tsunami. Oui. Il entre dans la chambre, il ferme la porte de elle. Oui. Et quand on a la relation de Dorcas Tabitha. Oui. Il entre ferme la porte de elle. Il entre la porte de Oui. Et la relation de Jésus concernant la fille de Jairus. Il sort tout le monde, il ferme la porte de Jésus. Quand il ferme, il a cité quelques personnes. Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne te permet pas que d'autres soient venus lorsque tu as peut-être la relation? C'est ça qu'il n'y a pas. Tu parles de qui? Je parle de toutes ces personnes qui ont blessé les émotions. Bon, le cas d'Élisée, allons-y, tu aurais voulu que qui entre? Peut-être que Géasi sont... Avant de venir lui-même faire avec Géasi, il a dit quoi à Géasi? Il a fait ça marcher. Pourquoi tu voudrais que l'inclusivité soit accordée là où il y a la foi? Comment ça, je ne comprends pas bien? Que l'inclusivité soit accordée. On avance. Un frère? Le cas de la porte. C'est quelqu'un qui est mauvais. Le cas de la porte de Pierre, il est entré avec qui? Qui sont ceux qui sont venus le chercher? Ce sont des disciples. C'est les disciples, ça veut dire quoi? Les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils communient avec qui? Le Seigneur. Et Pierre lui communient avec qui? Le Seigneur. Ils étaient là-bas, là-bas devant quand ça s'est passé, non? Amen. Le Seigneur était avec eux. Amen. Pourquoi voulez-tu qu'il entre là-bas? C'est quand il est venu que le Seigneur entre avec eux. On continue avec qui, frère? La femme, le mari et la femme. Oui, pourquoi? Oui, qui sont ceux qui se moquaient de Jésus? C'était la foule du dehors, c'était la femme. Il a demandé qu'on les fasse sortir, oui ou non? Pourquoi voulais-tu que la foule qui se moquait de lui, qu'il ne savait pas que l'enfant est mort? Pourquoi tu voulais que l'incrédulité soit à côté de là où il y a la foi? Des questions? Préparez-vous. Donc, quand je vais me présenter devant vous maintenant, les thèmes vous concernent d'abord directement. Vous, les hommes. Donc, préparez-vous des questions et avancez-moi. Souvenez-vous, je vais travailler avec les hommes mariés. Ça sera à la maison, chez moi. On va manger autour de la table. Il faut que ce soit dans un bureau où il n'y a pas le jeûne. On s'assoit, on parle bien, on parle. Vous savez que les hommes mariés, c'est pas ça, frère Olivier. Ça. On mange autour de la table parce que si on a faim, c'est la vérité, on ne comprend pas. On va manger. Oui, mon cher. Oui, je voulais poser une question. Dans... Mais à manger, là, c'est à la fin. Hein. Mmh. Bon. Dans Matthieu 12, oui. Verset 45. Là-bas, on compare la. Comme on parlait de délivrance, oui. On compare la condition de quelqu'un qui a été délivré. Mmh. Et qui n'a pas eu du conséquent de des mensonges. On dit pire que la première. Voilà. Mmh. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on la compare à celle des pharisiens? On dit que leur condition sera similaire à un autre. Lis ça. Il s'en va et il prend avec lui sept autres. Verset 45. Il s'en va et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération de gens. Comprenons pas. Tu as parlé des pharisiens, non? Qui a parlé des pharisiens là-bas déjà? Bon, je vais dire. Là, c'est autre question maintenant. J'étais étonné de savoir où tu dis que Jésus a parlé des pharisiens. Il a donc dit quoi? Bon, on dit, il en sera de même pour cette génération de gens. C'est-à-dire quoi? Il parle de qui? Bon, on dit qu'il sera de même pour les incrédules qui sont devant lui. Ah, maintenant, pour cette génération méchante, ça ne le concerne pas seulement. Ce n'est pas seulement ceux qui sont devant lui. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans la parabole, quand il parlait dans ce Marc, Matthieu chapitre 24, il dit que cette génération ne passera pas que tout cela soit accompli. N'est-ce pas, frère? Oui. Cette génération. Quand il parle de cette génération-là, lorsqu'elle a quitté la scène, les personnes à qui il vient de parler, tout est accompli. Non. Et c'est jusqu'à présent, c'est accompli. Non. Donc, il dit cette génération. Il ne parle pas de la génération qui sont devant de lui. D'accord. Ça suppose que la période, la génération qui concerne la période de sa venue et la manifestation de la grâce. C'est pour ça que son langage, c'est bizarre. On dit que cette génération, ça, puis il dit, vous n'aurez pas fini d'accomplir, de parcourir tout Jésus, que le Fils de l'homme soit venu. Il est venu. Il a plutôt mal parlé. Non. Bon, maintenant, il dit qu'il en sera de même pour cette génération. Ça veut dire que cette génération-ci, qui a obtenu une grande délivrance, s'il ne tient pas fait dans cette grande délivrance, il n'y a plus de rachat pour lui. Des questions? Frère Yannick, note. Comment avoir une vie pleine de foi? Là, c'est ton sujet, d'accord? Les héros de la foi à la lumière de notre vie chrétienne. Ça s'appelle le frère Donatien. T'as passé, hein? Comment avoir une vie pleine de foi? Comment avoir une vie pleine de foi? Les héros de la foi, la lumière dans les chrétiens. À la lumière de notre vie chrétienne. Vraiment très attentivement, je n'ai pas dit notre vie chrétienne à la lumière des héros de la foi. C'est différent. Les héros de la foi à la lumière de notre vie chrétienne. C'est ce qu'indique cela. Jeûne et ses passions à la lumière de la parole de Dieu. La famille chrétienne face à la tribulation. Allons-y. La famille chrétienne face à la tribulation liée aux traditions. Face à la tribulation liée aux traditions. La famille chrétienne. D'accord? Face à la tribulation liée aux traditions. Comment ton prénom, c'est quoi? Alex, c'est toi? Brice. Brice. On va embrouiller dans cette maison-ci. La foi comme une forteresse. Alors, le thème. La foi comme une forteresse. Mon cher frère, l'homme comme chef de la famille. La foi à l'épreuve de la vie courante. La foi à l'épreuve de la vie courante. Je t'ai parlé. Sur la confrontation avec Goliath. Fajidas, je savais toi. L'homme fort de notre vie. Léo, t'as pas c'était quoi déjà? Toi, tu as entendu ce qu'il a dit? Toi, tu as entendu? Non. Jeûne et passion à la lumière du Christ. Qu'est-ce qu'il dit ici? Non. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il a dit qu'il devait retenir. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit ça. Hein? Dis-lui ce que j'ai dit. Non, tu te souviens pas? Très bien. Mais c'est pas quand même ce qu'il a dit là. Une passion à la lumière du Christ, donc des saintes écritures. Les saintes écritures, c'est pas Christ, d'accord? Tu as compris? Je danse l'homme. Okay. Le frère William, la jeunesse face au mariage. Rachel, la violence avec les eunuques. La violence avec les eunuques. Mon cher frère, les comptables de Dieu aujourd'hui. Les comptables de Dieu aujourd'hui. Comment garder nos pensées en Christ? Comment garder nos pensées en Christ. confrontation avec Goliath. Toi, j'étais là pas né. Confrontation avec Goliath ici. Ça va, mon garçon? La fuite de la maison parentale. La fuite de la maison parentale. Tu notes à côté, Luc chapitre 15, d'accord? Tu vas partir de là, d'accord? L'obéissance aux parents. D'accord? Tu vas exposer ici. On peut continuer. Prends ton stylo, mon garçon. Comment? Je sais qui a eu, qui n'a pas eu. Je connais tous les thèmes de chacun maintenant. Tu vas noter. Être champion pour Dieu. Être champion pour Dieu. D'accord? Remarque qu'il n'est pas dit la vie chrétienne à la lumière des héros de la foi. Il est plutôt dit les héros de la foi à la lumière de notre vie chrétienne aujourd'hui, n'est-ce pas? Frère Evan, note le conducteur ouah, du Seigneur. Tu as noté notre caractéristique de reconnaissance. C'est bon, là, mon cher. Parce que chef de famille, n'est-ce pas? Oui. Viens, frère, lève-toi. Tu expliques au frère là, comment on doit faire. Ça veut dire que tu vas travailler sur ce thème-là. On va venir ici. Donc, il ne repule la sueur de qui a la question. Quand il veut me tenir ici, le jour-là, quand il vient, dès samedi, je viens. La personne que le Saint-Esprit appelle, il appelle ici devant. Tu ne peux pas seulement. D'accord. Il dit bien la personne que le Saint-Esprit si dit, la personne que vous t'aimez, les héros de la foi face à la. La personne se présente. On ne peut pas vous cacher. J'ai une note partout. C'est chacun dans inbox. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Même ceux qui nous ont passé le jour qu'ils vont venir, quand ils seront en train d'écouter, pour eux aussi, va venir. Donc, il n'y a pas d'explosion d'esquiver cela. Il faut que vous travaillez. On dit, vous avez des questions. Regardez très attentivement. Si chacun de vous, chacun de ses activités journalières, n'est-ce pas? Chacun de vous, vous prenez la Bible comme ça, vous déposez à la maison, vous faites votre activité, vous dites 18h, on doit aller à la prière. Vous venez à la prière. Si vous n'allez à la prière, bien on vient à la réunion, sans que vous ne sortiez de chez Dieu, vous venez faire quoi? Vous comprenez ce que j'en ai dit? Dieu ne vous empêche pas de faire vos activités. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. C'est ici qu'on fait notre activité. Quand on va faire notre activité, c'est parce que si on ne fera plus notre activité, on ne sème pas le maïs là-bas, c'est ici. Alors si vous avez n'importe quelle activité, aucune activité ne doit vous déroger les choses du Seigneur. Maintenant, quand vous sortez, chacun sort de sa part, l'autre sort du travail, vroom, il faut qu'il parle là-bas. Si au travail, vous n'avez pas pris le temps de méditer pour recevoir quelque chose du Seigneur, comment vous faites? Si on se réunit comme ça, là, vous vous attendez à un nom, pas au Seigneur. Parce que vous attendez que j'espère que telle personne soit ici, j'espère que telle personne soit ça. Cette personne que vous espérez aussi de vous. Vous voyez là où on se retrouve, n'est-ce pas? C'est ça qui fait qu'on se tourne dans un système où vous voyez effectivement les gens, c'est ça qui a amené les dénominations, comme ça, à faire les programmes de culte. Les programmes de culte, c'est dangereux. Parce que c'est éliminer le Saint-Esprit ici. Lorsque vous voulez venir en prier toute la semaine, quelque chose que vous faites, cherchez le Seigneur. Restez dans sa présence. Vous allez voir, effectivement, vous allez lire quelque chose, peut-être, vous avez des difficultés. Vous venez vous asseoir là, pendant qu'on allait expliquer, la chose là est expliquée. Le Saint-Esprit vous donne l'explication de là où tu as été buté, sans que tu n'aies posé la question. Parce que tu as lu et sondé les Écritures. Là, vous comprenez que ce Saint-Esprit est en train de vous répondre. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Donc ne sortez pas de votre endroit, vous venez à la prière, ça ne vous fait absolument rien. Sinon, ça serait exactement comme verser de l'eau sur le canal. Assez rigide, ça va vous faire tourner en rond, vous allez devenir le même style de religion. Vous allez dire, non, je suis dans le groupe de Junior, mais nous sommes dans les églises de maison. Ça, il n'y a pas de telle chose. Il faut que vous compreniez. Je veux que ça soit extirpé en nous que ce n'est pas un système mis en place. Parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Donc, n'allez pas croire les choses que les pasteurs vous racontent. Je dis qu'un vrai apôtre, c'est celui-là qui fonde beaucoup d'églises. Allez, arrêtez, il faut arrêter cela. Le fait que l'apôtre Paul ne soit pas de la situation, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas apôtre. D'accord? Lorsque la construction de vie est là, si c'est fini, c'est fini. Quand Dieu décide que ça va, ça va. Donc, préparez-vous. À un moment donné, on n'aura plus de moment. Des questions? Donc, vous prenez votre lecture de la Bible à la légère, croyant que vous allez venir comme ça, vous prenez le texte, vous allez lire. Faites attention. Passez le temps dans ça. Passez le temps là-dessus. Lisez, exhortez-vous les uns les autres. Parce qu'il se pourrait qu'on ne se réunisse pas comme ça. Si on ne se réunit plus comme ça, là, vous allez faire comment? Vous allez abandonner la foi. On ne doit pas vous embrigader. C'est pour ça que du moment, je ne viens pas ici exprès. Il dit bien des moments, je ne viens pas exprès. Il y a des moments, des jours où vous regardez 20h est arrivé, je ne suis pas encore là. Après, surtout, vous voyez entrer, n'est-ce pas? Vous dites, ah, il est venu aujourd'hui. Une fois, deux fois, il vient aujourd'hui. Frère Junior est déjà rentré. Il est là. Il vient. Vous venez voir Frère Junior, ça vous n'avez rien compris sur la chose du Seigneur. Parce que je suis mortel tout comme vous. Et s'il m'enlève de cette scène-ci, vous allez faire comment? Vous allez encore aller chercher un autre homme. Non. Cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur, d'accord? Il se pourrait que vous aussi, sans être ici, quelque chose vous fait, vous sortez pour aller à notre ville. Vous allez quitter cette ville-là chaque fois que vous venez ici. Il s'agit d'établir une connexion avec le Seigneur, d'accord? Voilà. Des questions? Si pas de questions, on commence l'introduction du thème dont le frère parlait tout à l'heure dans Luc, Matthieu chapitre 6, verset 20. Si vous êtes d'accord avec moi. À moins que vous voulez, si vous prenez de l'eau alors. Les femmes là, s'il y a de l'eau, distribuez l'eau. À moins que vous avez mangé avant de venir, ou vous n'avez après 18h. Champion. C'est Matthieu chapitre 6. Là devant, on explique la protection du Seigneur. Là, on va venir sur la deuxième partie. Et la partie des... Souvenez-vous, vous qui présentez, quand vous allez présenter, après avoir présenté, vous posez des questions. Parce que d'abord, le thème vous concerne d'abord personnellement. Ne venez pas comme ça pour donner les leçons aux gens. Ça doit d'abord s'appliquer à vous. À vous d'abord particulièrement. Matthieu chapitre 6, donc. Il y a quelqu'un qui fait chaud là-bas, là-bas. Je n'aime pas encore la Bible. Il fait chaud. Donc, pendant que vous allez l'ouvrir, lorsque nous prions là-bas le premier, j'ai parlé des jeûnes de 7 jours avec les conducteurs, n'est-ce pas? 7 jours, ça veut dire quoi? Si on commence lundi, c'est jusqu'à l'autre lundi qu'on mange ou on boit. C'est à sec là. Parce qu'il faut que quelque chose se passe sur vous et en vous. On ne peut pas continuer comme ça. Non, Christ a tout accompli. Je vais vous expliquer quelque chose, frère. Si vous êtes sérieux avec le Seigneur, il parle maintenant au conducteur spécialement. Soyez sérieux avec lui. Testez sa parole. Soyez sérieux avec lui. Testez sa parole. Il n'y a pas de magie. Testez sa parole. Testez sa parole. Vous comprenez ce que je vous dis, n'est-ce pas? Soyez un, sérieux avec lui, puis testez sa parole. Vous allez le voir à l'œuvre. Mais je vais vous donner un grand secret. Vous tous les autres, ça ne vous concerne pas. Fermez vos oreilles. C'est au conducteur, je suis en train de parler. Écoutez très attentivement, très attentivement. Les conducteurs. Fermez vos raisonnements et laissez la foi de Dieu parcourir votre être. Voilà le secret. C'est-à-dire, abandonnez-vous. Abandonnez votre faculté. Vous savez quel moment est précis où vous dormez? Non. Est-ce que vous savez quel moment précis où vous dormez? Subitement, vous commencez à voir que j'étais en train de voyager. J'étais avec ceci, telle personne venait. Pourtant, vous êtes dans le songe. Sans savoir à quel moment vous avez quitté le réel-ci. Vous avez quitté, vous avez commencé à dormir parce que vous étiez dans le songe, dans une autre dimension. C'est ce qui se passe exactement quand lui entre en scène. Vous comprenez ce que ça nous dit, frère? Abandonnez-vous. Qui ne comprend pas ce que ça nous dit? Bon, qui comprend? Tu comprends, frère? Voilà, c'est bien qu'on vous ait côte à côte. Explique au frère Yannick ce que ça nous dit. En tout cas, ça, il va développer cela quand on sera réunis dans ces jeunes-là. En fait, ce que je comprends, c'est que l'analogie que tu fais entre le songe et le fait qu'on doit s'abandonner. Oui. Lorsqu'on entre dans le songe, ce n'est pas nous qui décidons d'y entrer. Uh-huh. Et les choses, les événements qui vont se produire là-bas, on n'en a aucun contrôle dessus. Uh-huh. Maintenant, de la même façon, lorsqu'on se laisse conduire par le Seigneur, C'est lui qui entreprend la chose et il sait où est-ce qu'il nous met. Luc chapitre 17, ouvrez. Merci, frère. Je crois que nos vies sont dégagées pour servir Dieu de la bonne façon maintenant. Luc chapitre 17, vous y êtes? Non. Comment tu t'appelles, mon garçon? Comment tu t'appelles? Jean de Dieu. Jean de Dieu. Lis-nous le verset 12, 13 et 14 de Luc chapitre 17. À haute voix. Comme il entrait dans... Vous pensez que c'est à haute voix ça? Allons-y à haute voix. Comme il entrait dans une village, vous avez dans un problème ici là. Dieu dit les preux. Vous entendez, non? C'est là où j'ai demandé qu'il lise. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Lis alors. Mm-hmm. Non, lis, continue. Comme il est entré dans la. Dis, lis, viens de ça. Lis, viens de voir ça. Vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent bon, la voix. Ça va, d'accord, ça va. Courage. Tu vas élever la voix là. Ici, ça va. Ah. Ouvrez Matthieu chapitre 6. Ah, j'aurais souhaité dire des choses, mais vous voyez, vous me bloquez seulement. Matthieu chapitre 6. Donc nous commençons par le thème. Dans le thème, les conducteurs, vous devez savoir abandonner votre faculté. Il fallait que je parle pour que tu poses la question. Mais il ne veut pas lire. Mm-hmm. On continue. Parce que ta foi dit ouvrir votre cœur. On a bien la volonté d'ouvrir. Non. Vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur. Ce n'est pas possible. Parce que maintenant, abandonner. Voilà, c'est abandonner. C'est là où je voulais qu'on lise pour dire quelque chose. Mais là, comment ça m'a fait des choses là. Allons encore dans le livre de Luc. Dans le passage de Luc, allons. Luc. Dans le chapitre. 21, ou bien. Luc chapitre 21. Il y a quelqu'un qui ne lit pas souvent ici là. Frère Olivier, n'est-ce pas? Frère Olivier, verset 12 à 13. Luc chapitre 21, verset 12 à 13. Non, 12, 13. Puis, quelqu'un devra lire le 14 et 15. Allons-y. Ok. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que... vous serviez de témoignage. Voilà. Maintenant, le Seigneur Jésus dit qu'on va arrêter les gens. Pas qu'ils ont volé. Le but pour lequel on les arrête, c'est pourquoi? Non. On les arrête, ils vont témoigner. Mais quelle est la cause? À cause du nom. Sur le plan humain. Quand on arrête quelqu'un, première chose, qu'est-ce qu'ils font? Il s'est défendu. Si on pose des questions, on pose des questions. Quand ça ne va pas, on cherche son oncle qui est avocat. Pas ça? C'est ça. Frère Yannick, lis le verset suivant, verset 14. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Vous avez ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Car... Non, attends. Vous avez suivi? Amen. Justin, je voulais vous expliquer comment s'abandonner entre ses mains. Ok. Supposons que nous sommes en train d'enseigner ici. Nous sommes réunis ici. La loi de la liberté d'association dit, par exemple, que pour se réunir, il faut l'autorisation. Vous avez l'autorisation? Amen. Donc, ils ont le droit de nous arrêter. D'après les lois. Ils ont le droit. N'est-ce pas, frère? Supposons qu'ils entrent ici. Je m'assois plutôt derrière. C'est seul jour où le frère Yannick expose. C'est que c'est lui qui parle, qui est le passe. Pasteur. On te racle la porte comme ça là. Tu as atterri au sol. Peut-être avant d'arriver au sol, il dit que c'est pas moi qui suis le vrai prédicateur. Que c'est pas moi qui suis le vrai. Il est parmi eux là-bas. Frère, Julien, lève-toi. N'est-ce pas, frère? Jésus dit qu'il faut que ça soit comme ça. Donc normalement, si on vient pour nous arrêter, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse chacun de nous? Vous êtes sûr, il faut que vous regardez bien. Vous êtes sûr que si on vient pour vous arrêter, chacun va se laisser arrêter. Ouais, que personne ne répond pas ici, non? Nous sommes avertis. Vous êtes bien avertis. Hein? Donc, on va vous avertir, comment vous arrêter? Donc, regardez tout ça. C'est un exemple que ça nous dit. Parce qu'on a dit ici, on n'a pas dit que parce que vous volez. Parce qu'une loi peut sortir maintenant où on décide maintenant que c'est sur vous qui trouvez la terre. D'accord? On dit qu'on va arrêter les chrétiens. Parce que c'est ce qui est écrit là-bas. Il dit avance là en mettant la main sur vous. C'est pas une prophétie, frère. C'est une prophétie. Mais on ne met pas la main parce que nous nous ingérons dans les affaires où nous faisons quelque chose qui sont mauvais. Il dit que le but, le pourquoi, c'est parce que à cause de son nom. Donc parce que son nom est invoqué sur nous, on va nous arrêter. Mais il faut qu'il trouve des justificatifs dans les lois pour le faire. En fait, dans Actes des Apôtres, vous avez vu cela. N'avons-nous pas interdit que vous ne parliez plus de ce nom-là? Vous avez encore vu, n'est-ce pas? On nous a pris les mettre où? En prison. Mais on dit que, mais dites-nous, vous avez souillé Jérusalem de tout le vice à cause de ces faux enseignements-là. C'est pas ça, frère. Ça va revenir. Ça va revenir. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit donc, mettez-vous à l'esprit des. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Donc, tu restes seulement tranquille. Tu ne commences pas à penser que si le procureur me pose des questions, je réponds comme ça. Que ça ne donne pas passer par ta tête. Oui, c'est ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Alors, pour que ceci puisse être vrai pour toi, il faut que tu saches t'abandonner entre les mains du Seigneur. Vous comprenez ça? Maintenant, regardez, frère, lis le verset 15. Verset 15. Le verset 15, c'est la suite du verset 14 dont il a lu aujourd'hui. Car je ne vous donnerai, donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous avez entendu ça? Ok. Donc, on voit la situation bien positionnée. On vient m'arrêter. On se met en prison. D'autant qu'on a déconstitué le procès verbal d'interrogation. Quand tu es en cellule, comme les apôtres avaient été en cellule, il ne prémédite pas de face. Que si l'action demande, tu dis que quand il explique que j'avais vu une boule de feu, il dit que toi-même tu étais parmi. Tu comprends, non? La boule de feu ne fera rien devant le juge. Parce que c'est pas ce que tu aurais dit qui est bien, qui soit te faire relâcher. En fait, quand vous dites la vérité là-bas encore, ça énerve seulement. Parce que derrière cette arrestation, se trouvent des gens qui vont être mis à mort. Parce que Jésus dit là-bas qu'on menera plusieurs d'entre vous à mort. Mais il a dit que le but pour lequel vous êtes là, c'est pour témoigner. Donc, on ne peut pas te témoigner en disant que monsieur, le roi vous attend. Quand entrez sur le tapis rouge, son excellence vous accueille. Son excellence, le grand prédicateur. Si c'est comme ça, il y a un problème. Si c'est comme ça, il y a un problème. Ces chefs d'État ne peuvent pas se convertir de cette façon. La puissance de Dieu doit déranger. Amen. Regardez l'apôtre Paul devant Festus, devant Agrippa. Regardez son état. Comment il est arrivé là-bas. Vous me suivez, frère? Amen. Ok, maintenant, regardez ce que le Seigneur fait. Regardez Étienne, le premier martyr, devant le Sanhédrin. Toute la cohorte est assise là-bas. Les grands juristes et les proconsuls sont assis là-bas. Chacun touche sa barre comme ça. Que raconte-nous? Tu dis quoi? Que Moïse a fait quoi? La Bible déclare qu'il a commencé depuis Abraham, depuis la sortie de Chaldée, 12 en Chaldée. Expliquez jusqu'à arriver là-bas. Souvenez-vous de ceci. Jésus dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra résister. Pour que ça soit vrai, il faut que ça ne soit pas toi. Donc si tu prémédites ta défense, il n'est pas là. Si tu penses comment tu vas te défendre, il n'est pas là. Donc, tu dois être un vrai mouton. Point quelqu'un. Tu dois être un vrai mouton. Pour que le Seigneur puisse te conduire comme berger. Vous voyez que c'est un petit déclic tout ce monde qui fait la différence entre les vraies vies chrétiennes et ce qu'on en fait. C'est pour ça qu'on peut être chrétien par intelligence. C'est-à-dire que par l'accès mental des renseignements chrétiens. Ça veut dire qu'on a déjà le renseignement de ce qu'est un chrétien. Tel verset de Bible dit telle autre chose. Mais pas de la façon dont la Bible dit à l'intérieur de nous clairement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, lorsque la Bible dit ici, dans ce livre des versets, dans ce verset 12, il dit que, mais avant cela, on mettra la main sur vous. On va vous travailler devant les rois, devant les tribunaux. Il dit, pour, à cause de mon nom. On t'arrête à cause de mon nom. En fait, ce que le Seigneur a dit, regardez au courant de l'acte des apôtres, vous allez voir exactement la chose se dérouler. Quand l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, a guéri cette paralytique-là, à la belle porte, là, vous vous souvenez? À l'issue de ça, quand le peuple va venir, on va faire quoi? On va faire quoi, frères et sœurs? On va les arrêter. On va les arrêter, les mettre en prison. Quand ils sont en prison, ils n'ont pas dit qu'allez dire à Jacques de chercher le souverain secrétaire de telle personne parce que son petit frère est des héros, des quoi, non. Ils sont restés là-bas. L'ange est descendu du ciel, prendre dans la grille, les présenter là-bas, que aller dans le temple prêcher toutes les paroles de cette vie, n'est-ce pas, frère? Amen. Vous avez chicoté, chicoté. Mais on vous avait demandé de ne pas parler de ces noms, sinon. Regardez, regardez pour le cas du frère Étienne. Quand on l'a attrapé, il dit bien, quand on l'a attrapé, on l'a proposé là-bas, quand il a parlé. Souvenez-vous encore, en regardant Étienne, Jean, Pierre, quoi, tous les autres apôtres, souvenez-vous de cette parole de Matthieu, de Luc chapitre 12, quoi, 21, si, verset 12 à 15. Il a dit que, un, ne permettez pas votre esprit, ne mettez pas votre esprit, comment vous défendre, ne mettez pas dans votre esprit. Donc préparez-vous à vous là, abandonner entre mes mains. Si on vous attrape à cause de mon nom, laissez-moi vous défendre. Amen. Donc, c'est ça, laissez-moi vous défendre. Quand vous vous abandonnez entre les mains du Seigneur, clairement, selon ce qu'il dit dans les Saintes Écritures, il vient sur la scène. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, Étienne développe le verset biblique. Les gens qui étaient devant lui devraient se poser la question, mais comment les jeunes garçons comme ça connaissent toutes ces choses? Ils classent et tout est en ordre. Ils devraient se poser la question. Mais la Bible déclare qu'à un moment donné, ils ont fixé le regard sur lui. Son visage était... C'est au niveau où ça doit énerver ici. Ben, souvenez-vous, le Seigneur Jésus a dit qu'il va nous donner une bouche et une sagesse contre laquelle aucun adversaire ne pourra quoi. L'homme maintenant qui est devant vous, qui vous pose la question, ça va être un homme instruit. Un homme peut-être qui a dû bloquer beaucoup de personnes dans les questionnements. Et qui a ces gens ici qu'on sait qu'ils ne perdent jamais la face. Et que toi, un petit nyongrochon, tu viens là, tu le contredis, tu le bloques. Tu penses qu'il va te faire quoi? Il va te dire non, petit, tu as raison. Il va te dire ça, frère. Il va te traiter. Et c'est ce qu'on a fait à Étienne. Donc, je vais voulais vous dire et vous rappeler que vous sachiez ceci. C'est que le fait que Jésus a dit qu'il va donner une bonne bouche et une sagesse, ça ne veut pas dire que les gens vont comprendre. Il a dit, je me convertis maintenant. Hein. C'est cette bonne bouche-là qui peut plutôt t'amener dans ta destinée de martyr. Parce qu'il n'a pas dit que cette bouche-là et cette sagesse-là va faire qu'on va te laisser. C'est ici, n'est-ce pas? Quand Étienne a fait comme ça, il dit que désormais, waouh, je vois le ciel ouvert. Et le fils de l'homme debout à la droite du Père. Conclusion, ôtez de la terre un tel homme. Qui lui a dit, voici le fils de l'homme debout. Qui est en train de parler? Parce que ce n'est pas lui qui parle. Parce qu'il il avait proposé, il avait dit clairement, ce n'est pas vous qui parlerez. Dans notre passage, parler de cela, on dit que c'est le Saint-Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc c'est pas Étienne qui parlait, pas vrai frère? Mais en disant comme ça, il disait comme ça au charnel, les choses spirituelles. Quand il a dit ça, on a seulement déchiré la Bible, dans la conclusion, lui-même l'a signé son arrêt des mots. Donc sa sagesse et le langage par l'esprit duquel il parlait, l'a envoyé directement voir celui qui était debout à la droite de Dieu le Père. Donc préparez-vous. Alors ces choses, si je souhaitais prendre le temps dans la Bible pour vous montrer ces choses-là, ces choses. Quand vous entendez le Seigneur se tient là-bas, il voit plus de 5000 personnes assises, donnez-les vous-même à manger. Vous devez vous poser la question, pourquoi le Seigneur? Parce qu'on a vu le cas Sacha, il savait ce qu'il devait faire. Donnez-les vous-même à manger. Comment il a de demander aux disciples? Comment donnez-les vous-même à manger? Qu'est-ce qu'il a de dire? Qu'est-ce qu'il attend des disciples? Donnez-les vous-même à manger, sachant que ce sont des êtres humains. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Combien de pains avez-vous? Non. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il y a un type, Philippe qui dit une chose, André qui dit autre chose. Est-ce que même si on achète le pain pour 200 deniers, ça suffira? Mais quelqu'un dit que nous avons quoi? Vous voyez là, n'est-ce pas? Une personne qui voit l'impossibilité, une personne qui voit une petite chose sur laquelle on peut construire. Maintenant, vous voyez, le Seigneur dit, mettez-vous à l'esprit de ne pas préméditer votre défense. L'apôtre Paul, quand il dit, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Ça vient de qui, frère? Donc ça veut dire que ce que nous faisons, ce qui fait en réalité, ça veut dire qu'il faut le laisser donc agir. C'est cet aspect donc de laisser le déclic pour qu'il agisse qui fait le problème. Mais quel est le pont, le fil qu'il faut couper? C'est notre raisonnement. C'est ça le vrai problème. Si on peut s'abandonner entre ses mains de cette façon là au point où on dit c'est pas en disant que Seigneur je m'abandonne. Écoutez très attentivement bien pour qu'on soit clair. S'abandonner entre ses mains ne consiste pas à affirmer le Seigneur, Seigneur, maintenant je m'abandonne à toi. C'est pas ça. C'est un déclic à l'intérieur. Ça se trouve à l'intérieur. Vous me suivez, frère? C'est un déclic tout simplement à l'intérieur. Pour que ce déclic puisse être possible. Il faut une relation étroite avec lui. On tourne n'importe comment. On revient là-bas, vous comprenez qu'il nous faut l'eau. Mathieu, je peux rentrer là-bas, qu'il nous dise des choses ici ce soir. Donc, les conducteurs, quand on sera en train de travailler, je vois que je veux qu'on travaille sur cet aspect-ci. Sur l'aspect de comment amener le Seigneur jusque sur la scène. D'accord? Vous me suivez, frère? Comment amener le Seigneur sur la scène? Comment s'abandonner entre les mains du Seigneur? D'accord? Si vous n'avez pas besoin, vous allez lire la Bible, si vous n'avez pas les exemples bibliques, ça ne pourra pas quitter ici pour votre vie. Il faut que vous ayez des exemples palpables. Okay, quand on dit que Élie est allé se coucher sur le mont, vous entendez quoi par coucher sur le mont? En dehors de s'allonger sur le mont comme ça là, vous pensez de quoi est-ce que la Bible est en train de parler? Vous voyez que c'est en dehors de ça, c'est ça que vous voyez, n'est-ce pas? Je vous ai souvent dit ici, l'apôtre Paul dans Actes chapitre 14, verset 8 là, où la Bible déclare qu'il prêchait là. Regardez bien, ce sont ces choses-ci. Et puis, là-bas à Lystre se trouvait, disons, dit la Bible, un important, quelqu'un qui était né comme ça, les pieds étaient finis. Vous savez déjà, la personne que le pied est petit se trouvait là-bas. La Bible déclare que quand il a tourné les regards de lui, il vit, vous parlez de la Bible, il vit qu'il avait la foi pour être guéri. J'aimerais que vous me donniez l'explication. Comment quelqu'un voit que... On voit la foi, frère. Comment on voit qu'il a la foi pour être guéri? Qu'est-ce que la Bible appelle par voir qu'on a la foi? Regardez dans Actes chapitre 8, lorsque les apôtres Pierre et Jean sont venus en Samarie pour imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Lorsque Simon a vu que le Saint-Esprit est donné par l'imposer, mais il a proposé de l'argent. Vous savez ce que l'apôtre Pierre lui a dit? Il dit que je vois que tu es. Mais dans un fier armé. Dans un fier armé. Prie le Seigneur pour qu'il te pardonne tes pensées. Si cela est possible. Il a dit que toi, tu es plus proche de lui. Prie-le toi-même. Comme si c'était l'apôtre Pierre qui a prêché. Écoutez, la Bible s'est fermée là-bas. Simon le magistrat a continué sa doctrine à lui. Et ça se trouve au milieu de nous jusqu'à aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, donc verset 20. Ou bien si vous voulez, on traverse cet thème parallèlement. D'accord? On traverse cet thème parallèlement. Regardez. Que vous n'aurez pas d'expérience claire, je veux toute votre attention. Si vous n'avez pas d'expérience claire avec le Seigneur qui vous permette de bâtir votre socle là-dessus, vous allez avancer avec le Seigneur de façon religieuse. Et quand vous avancez avec le Seigneur de façon religieuse, vous pourrez aller à tout vent. Il faudra vérifier les socles avec lesquels vous marchez avec le Seigneur, c'est-à-dire que ça doit être fort. Si vous lisez le livre de Gédéon, dans le livre de Juges chapitre 6, lorsque l'ange de l'Éternel s'est tenu devant Gédéon, il va commencer à poser des questions à cet ange-là par rapport aux choses qu'ils ont entendu dire. Parce que ça semblait être des choses bizarres pour eux. Regardez très attentivement, si vous lisez le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, quand Dieu suscitait Shanga, Oni, ainsi de suite, la Bible déclare, après 40 ans de règne, par exemple, quand le juge était là, il marchait bien avec Dieu parce que celui-là était là pour éclairer à ce moment-là. D'accord? Mais chaque fois que les rois, enfin, les juges suscités par le Seigneur mouraient, la Bible déclare que illico facto, il rentrait encore dans l'idolâtrie. Et quand il rentrait dans l'idolâtrie, Dieu le livrait pour 20 ans dans l'idolâtrie. C'est-à-dire pendant 20 ans, il sait honnêtement Dieu. Chacun construit sa part de haut lieu chez lui. Chacun fait comme il veut. Maintenant, imaginez un peu l'aspect d'une atmosphère où on a vécu pendant 40 ans sans le vrai Dieu et que chacun s'est constitué sa part de Dieu, croyance, développé sa part de théorie sur ce qu'il est sûr, qu'il démontre que ça, il sait Dieu. Et que quelqu'un vient après 40 ans, tu trouves des gens sur le terrain et dit que tout ce que vous faites là, c'est l'ordre de un. Imaginez quel genre de regard, les esprits qui sont dans les corps qui regardent celui-ci. Je veux que vous imaginez cela. Comment la religion peut amener les gens à servir le démon? Maintenant, quand c'est tenu dans le moment de l'ange de l'éternel, c'est tenu là-bas, alors que Gédéon était en train de frapper le cerf froment, la battre, les vêches, battre, de quand on battait les mille là, pour cacher rapidement, pour cacher. Parce qu'ils savaient très bien que l'ennemi, quand ils avaient fait ça, Dieu les avait livrés entre les mains de l'ennemi. Madian ne cultivait plus. Il laissait qu'Israël ait le soin de s'aimer. Vous s'aimez. Ils sont arrivés à la frontière, ils guettent. Vous s'aimez, c'est bon. Ils arrosent, c'est bon. Les gars dansent là-bas comme ils dansent, ils dansent comme ils dansent. Le moment des récoltes, quand vous finissez de récolter, ils disent, ok, vous avez fini, mettez ça ici. Vous s'aimez, vous arrosez, vous prenez soin. Imaginez tout ce que le travail que vous faites. Mais à la récolte, quelqu'un m'entend la main, mais tu n'as pas le choix parce qu'il est plus fort que toi. C'est un peu comme vous allez en banque, vous finissez de travailler à la fin du mois. Vous allez choquer votre carte bancaire, c'est quoi, les cartes électroniques. Vous choquez tchac, les vieux vieux sortent, quand les vieux sortent, tchac, tchac, tu comptes 10. Tu vois quelqu'un sort là, que donne-moi tout ça ici. Tu fais quoi, frère? Tu donnes seulement, non? Tu dis parce que ma vie est plus grande que. Mais quand tu as fini de donner, quand il part, tu commences à pleurer. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Mais tu pleurais là-bas alors qu'il était passé, ça avait changé quelque chose. C'est comme ça qu'on faisait à Israël. Ça était comme ça. Ils avaient trouvé les stratégies maintenant. Ils battaient, même quand ce n'est pas encore mûr. Ils disent, mais c'est mûr, non, non, mais quand ils sont avant qu'ils ne viennent. Ils cueillent ta comme ça pour courir, pour aller cacher, pour avant qu'ils ne viennent, que c'est terminé. L'ange a dit que yes, tu as trouvé une stratégie, mon gars, tu es trop fort. Maintenant, quand l'ange a dit de converser avec lui, souvenez-vous de ce que Gédéon dit. C'est là où je suis en train d'aller. Il veut qu'on aille quelque part. Gédéon lui dit, allons dans Juges chapitre 6 là. Juge, pas Jude. Juge dans l'Ancien Testament. Chapitre 6. Juge, chapitre 6. Juge, tout le monde a ouvert. Regardez à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébène d'Ophra qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Maintenant, regardez. Il veut que vous lisiez, qu'on lise d'abord le verset 1 pour que vous suivez de quoi il est question. Pour vous voyez l'étonnement de Gédéon. Regardez. Nous sommes au chapitre 6, toujours dit. Revenons au verset 1 et 2. Regardez. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant. 7 ans. Vous avez vu? 7 ans. Donc, vous faites chaque année. On vient prendre la main à l'école. Donc, pendant 7 années, ils avaient l'oppression de Madian sur eux. Maintenant, rentrons ici. Verset 13. Gédéon lui dit. Ah! Tu racontes les histoires. Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Première interrogation. Écoutez bien. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec ces forces que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ici se trouvent donc deux aspects de ce que j'en ai expliqué par rapport à notre vie de foi et notre relâchement. Et ça, vraiment, on va y revenir, pratiquement pour les conducteurs. Mais ceci est équivalent pour chacun de nous si nous voulons voir le Seigneur manifester sa gloire dans notre vie. Il faut apprendre à dépendre de lui, à s'abandonner entre ses mains. Maintenant, il y a ici l'expérience seulement de la vie avec l'ennemi. Cette expérience de la vie avec l'ennemi avait tellement traumatisé, avait pris scène dans leur vie au point où ils étaient plutôt conscients de la présence de l'ennemi plutôt que Dieu. Dieu était devenu un Dieu historique dans leur quotidien. Dieu était devenu un Dieu historique dans leur quotidien. Nos pères nous racontent que Dieu avait fait monter les jeux de la main puissante. Donc la Bible dit que Moïse, il y avait un frère serviteur qui avait été fait comme ça. Dieu a ouvert l'eau. Ha! Dieu là, oui. Et il pose la question, où sont ces prodiges alors? Parce que ça, c'est ce qu'on aura. Il n'a rien de palpable pour être sûr qu'il est avec ce Dieu-là. Il cherche ce point de connexion. Dieu dit que tu as la force. Va, délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Par la suite maintenant. À cause de cette train quotidien qu'on avait dans la présence de l'ennemi, il savait qu'il était mendiant, il savait comment ils étaient forts. Il a dû passer Dieu au test pour savoir vrai, que c'est Dieu qui l'a, hein? Pour être sûr. Donc, Là, quand il est sûr maintenant, il est sûr qu'il se repose sur un socle fort. Il sait que maintenant, il peut marcher avec quelqu'un. Son expérience a produit la foi chez lui et qu'il peut dépendre, il peut maintenant dépendre de ce Dieu-là. Il sait maintenant que si Dieu monte, Dieu dit monte, il montera. Descend, il descendra. Maintenant, si aujourd'hui, on n'a pas de relation avec lui, on n'est pas accoutumé à sa voix. S'il parle dans le songe, comment saurons-nous que c'est lui qui a parlé? Si une voix est entrée dans notre cœur, cette voix-là qui parle souvent doucement, n'y va pas. Et puis ça reste tranquille. Qu'est-ce que tu penses quoi comme ça? Vous tapez votre tête alors que Saint-Esprit dit n'y va pas. Après, quand tu vas dans ce lieu, toi, tu vois les conséquences, tu dis mais un cœur m'avait dit que le Saint-Esprit appelait maintenant un cœur. Pourtant, un cœur m'avait dit, ou bien plus pour ceux qui sont plus sages, ils disent, un sixième sens. Donc quand Dieu a mis cinq sens, il a combien? Six. L'autre dit que c'est un pressentiment. C'est rare, il dit, que le Seigneur m'a dit, ne fais pas telle chose. Pourquoi? Parce qu'en toile de fond, on a peur de pécher contre lui. On n'est pas sûr si c'est lui ou pas. Par conséquent, j'ai toujours dit l'affaire, c'est que quelque chose me dit. Donc le Saint-Esprit est devenu quelque chose. Pointe quelqu'un. Pointe quelqu'un d'abord. Je vais voir les doigts. Pointe quelqu'un. Dis que cherche une relation avec lui. C'est, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit ne parle pas à un cœur. Il parle à ton cœur. Un cœur m'a dit que c'est pas un cœur qui dit arrêtez, c'est une voix qui s'est fait retentir en toi. Et maintenant, quand tu ne discernes pas sa voix, l'autre aussi parle. Maintenant, comme on ne sait pas discerner la voix, c'est que en fait, c'est que une voix a parlé telle, une autre voix a parlé telle. C'est pas que c'est un cœur. Qu'un cœur m'a dit, qu'un autre cœur m'a dit que c'est pas comme ça. Alors, ces choses-ci, vous voyez que. Au lieu de courir dans la révélation profonde des eaux profondes, de ce qui est dans le puits, les différents algues qui sont dans le puits, il faut qu'on regarde en surface s'il y a des saletés en arrivée, pas vrai? C'est ce cas. Et là, au fur et à mesure, on va savoir ce qu'il y a à l'intérieur du puits. Maintenant, parlant de ce puits-là, on dit donc que la Bible enseigne que notre cœur est comme un puits profond. Et on dit que à l'intérieur, donc, au fond de cela, se trouvent les desseins et les projets de Dieu programmés. Comme une programmation de la machine, là. Comme les algorithmes qu'on met dans la machine, on introduit dans la machine. On dit que ce cœur-là est comme ça. Puis la Bible dit, l'homme sage sait y puiser. Donc, les choses que Dieu a prévues pour toi en réalité, il a une réplique dans son livre, une réplique dans le cœur. Il faut souvent que ça soit nettoyé pour que le livre puisse arrimer. Quand le livre puisse arrimer, on dit que tu es entré dans la vision du Seigneur. En ce temps-là, tu peux dire comme David que tous les jours de ton livre, parce qu'il sait maintenant ce qu'il en est. Tu peux dire comme oui maintenant que efface mon nom dans le livre que tu as écrit, parce que tu peux savoir quelque chose. Maintenant, comme il n'y a pas ces choses, comme il y a plusieurs voix à l'intérieur, ça nous empêche non seulement de connaître ce que nous sommes, connaître des choses sur nous, mais disons, en disant pas plus loin, on ne peut pas connaître le rendement sur tel ou tel événement. On peut se livrer à tout genre de vent. Ah, maintenant, il y a ce qui va arriver sur le monde. Oh, il y a les gens commencent à vouloir s'arranger par peur. Si vous voulez vous arranger par peur, parce que vous entendez les nouveaux, vous ne pourrez pas vous arranger. Vous ne pourrez pas vous arranger. Parce que la Bible déclare que le cœur ne doit pas être affermi par la nourriture, mais par la grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, comme on a dit dans la Bible, dans ce livre des Hébreux, chapitre 12, là, qu'on veille à ce que nul ne se prive de grâce, c'est ce que nous faisons. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons et que plus on en soit infecté. C'est ce que nous faisons. Qu'on veille à ce que les pieds ne glissent ça et là. Mais que tous les jeunes qui s'affaiblissaient, que ça plutôt s'asseyait, redresse. Donc, il faut le contact. Maintenant, ceci dépend à 99% de vous-même. Parce qu'un homme ne vous conduira pas devant le Seigneur. Dieu doit vous contacter. Un homme ne vous conduira pas. Il n'a pas dit, Pierre, m'aimes-tu? Amène-moi mes brebis. Il a dit ça, frère. Non. Il a dit, fais quoi? Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Amène-les vers moi. Non. Il a dit quoi? Père, mes brebis. C'est quoi faire perdre? C'est-à-dire encore quoi? En d'autres termes? Comment? Les ou bien quoi? Perdre. Ça veut dire quoi? Nourrir. Nourrir. Il faut nourrir les brebis. Point. Faut nourrir les brebis. Maintenant, regardez celui qui conduit les brebis. Qui fait sortir les brebis? Qui fait sortir les brebis? Le berger. Qui ça? Il y en a deux frères. Ah, qui fait sortir les brebis? Qui est le chemin? Qui marche devant eux? Qui les conduit? Mais Pierre doit faire quoi? Simple. Donc, 99%, votre vie spirituelle est en votre main. Je crois que c'est un autre thème ici qu'on va revenir là-dessus maintenant pleinement. Si on n'a pas compris ceci, on va passer le temps à suivre les hommes. À suivre les hommes. Et à suivre avec les hommes, plusieurs malédictions sont dites. Si vous lisez Isaïe chapitre 2, verset 22, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Mais on lit ça, on suit l'écriture, mais on se confie en l'homme quand même. Puis on donne en compte, béni soit celui qui se confie. On lit ça, on laisse. Mais c'est quand même curieux cette génération. Quelle que soit l'onction qu'un homme atteindra sur la terre, le regard ne doit pas être fixé sur lui, mais sur le Seigneur. Quel que soit le cas. D'accord? Si le regard est fixé sur lui, vous allez dérober l'adoration qui est due au Seigneur et lui donner cela à cet homme-là. Vous pouvez voir aujourd'hui en milieu religieux comment les gens se portent même devant les hommes. Daddy, ils sont prêts à se coucher à terre. Même pour pas prier seul à seul devant le Seigneur, ils mettent les genoux par terre. Parce qu'il veut que l'homme lui apporte quelque chose. Comme il voit l'homme, il veut que l'homme lui apporte quelque chose. Ça doit s'arrêter. Dans nos vies spirituelles, à 99%, pour que cette étincelle si j'arrive, ça nous regarde. Donc votre intimité avec Dieu doit être votre priorité. Votre intimité. Donc recherchez ces contacts-là. Recherchez ces contacts. Regardez ce que là où Gédéon se trouvait. On dit qu'il était sous le térébène d'Ophra. Allait se cacher sur un arbre comme ça, comme les branches sont tombées, tap, il guette comme ça. Il tape, il fait le poisson, il guette, il guette. Mais le Seigneur savait qu'il était là. Quand Nathanaël est de l'autre côté, quand il était dans la nouvelle alliance, qu'elle est venue, quand Nathanaël était sous le figuier, il avait vu, avant que l'autre ne vienne le parler, il avait vu, il sait qu'il est là. Quand Pierre a quitté l'évangile, quand ils ont fini, il a quitté la scène, quand ils sont allés pêcher, ils m'avaient pêché dans Jean 21, là, il était là, il savait qu'il devait le trouver là-bas. Restez devant le Seigneur. Donc, en clair, voici ce que la Bible vous dit et nous dit comme ordre. Restez à Jérusalem jusqu'à. Écrivez cette phrase-ci. Écrivez maintenant. Écrivez cela en majuscule maintenant. Merci Père. Merci. Merci. Quand vous allez écrire Jérusalem, si vous voulez souligner Jérusalem, je vais vous faire écrire quelque chose au-dessus de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à. Vous mettez point. Voilà l'ordre. Voilà l'ordre. Voilà ce qui crée la connexion. Voilà ce qui crée la connexion. Merci Seigneur. Donc, cherchez la connexion avec le Seigneur qui vous permettra de ne pas être ballotté. Cherchez cette connexion. Cherchez la connexion. Cherchez cette connexion. Cherchez cette connexion. Ça doit être votre bataille, votre priorité. Vous pouvez être dans un endroit, dans une maison, dans une famille, dans un pays, dans une ville que vous ne devez pas être. Il faut une suggestion du Saint-Esprit. Dans un... Regardez, vous voulez voyager. Comment savoir si ce voyage, si Dieu veut que vous voyagez? Vous voyez le problème qu'on a en milieu chrétien. Ok, je vais rencontrer l'homme, je vais me marier. Comment savoir que oui, Dieu agresse ici? Ce sont les problèmes là-bas. On t'appelle quelque part dans la famille que je vais aller à tel endroit. Viens à tel endroit, va faire tel show, ou bien au bureau. On va t'affecter à tel endroit. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? On est ballotté comme ça. On te met vrrr. Il faut la suggestion du Saint-Esprit. Vous me suivez, frère? Amen. Ok. Vous avez noté, restez à Jérusalem jusqu'à. Hein? Jusqu'à. Ok. Maintenant, vous avez mis point. Soulignez Jérusalem, je vais vous dire quelque chose. Souvenez-vous que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. N'est-ce pas? Amen. Mettez en sa présence. Écrivez au-dessus en sa présence. La phrase de la connexion devient quoi? 1, 2, 3. La suite, c'est entre ces mêmes. Cherchez la connexion avec le Seigneur. Cherchez cette connexion. Quand c'est établi, personne ne peut plus vous détourner. Quand c'est établi, personne ne pourra plus jamais vous... Quand la connexion est établie avec Gédéon, il s'est mis la question. Il pouvait fendre maintenant, rentrer dans l'homme de son père, casser les pieux là. Parce qu'on lui a dit de le faire. Il savait. La rencontre qu'il a eue, personne ne savait qu'il a eu une rencontre. Donc quand il vient, il casse. On dit que mince, qui a fait cela? on dit que c'est Gédéon. Même le reste des dieux qui nous protégeaient, là, il est venu casser. Parce qu'il savait de quoi il est. Vous, vous n'avez pas cette connexion. Vous allez au village. Que merde. On a dit que quoi? Il y a un papa qui est venu à la maison. Il croit que ce frère Ibad a pu poster cela. Témoignage plus délivrance choc. Les dieux des Africains contre les dieux de la Bible. Et vous prenez le soin d'écouter. Il dit que il croyait en Dieu des Africains parce que dans son village, il voyait les preuves. Il voyait. Quand quelqu'un venait, il y a des olus là-bas, tu chies là-bas, tu sors le caca, tu suis jusqu'à chez toi. Tu restes partout, tu chies seulement, on te voit. Donc on peut savoir exactement. On a un enfant est entré là-bas qui ne connaissait pas, il a joué, entré dans le lieu sacré, allé chier. Quand il est chez, quand il sortait, le caca se le suivait jusqu'à la cuisine de sa mère. Il regarde comme ça, le caca se voit, on est rentré là-bas en suivant le caca, on a vu que c'est à olus, c'est tout. Il dit que ça l'a frappé, même s'il était ignorant. On a cru les initiés pour que le caca le quitte. Il dit que quand il a vu ça, et il partait chez les chrétiens, et là-bas, il ne voyait pas des changements. Il a dit que mieux. D'abord, un, la Bible dit que le Dieu d'Israël, il n'a jamais dit le Dieu de Cameroun. Dieu a choisi son Dieu d'Israël, il choisit son pays, il ne vous suit même pas. Vous nous cherchez pour où? Nous avons notre Dieu ici. Pourquoi? Parce qu'il avait vu des manifestations. Et ça lui a donné la preuve. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, ça l'a consolé à prendre son endroit, à prendre sa position, parce qu'il a vu quelque chose, jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Quand il a vu les dieux des païens, ça lui a produit la foi. Vous voyez le Dieu de la Bible agir, ça va vous produire la foi. C'est pour cela que c'est fait. Maintenant, vous voyez pour les autres, c'est une indication pour vous. Il faut que vous-même vous viviez. Il faut que vous-même vous viviez. Maintenant, le plus, ce n'est pas de vivre les miracles ni quoi que ce soit, c'est d'avoir une connexion avec lui. Cherchez la connexion avec le Seigneur. C'est plus important que n'importe quoi. Parce que en cherchant la connexion avec le Seigneur, non seulement vous vous connaîtrez comme il vous connaît, mais vous connaîtrez sa volonté, comment il marchait, de façon parfaite cette fois-ci, et connaître sa volonté sur les événements et sur les autres personnes. C'est ça à quoi ça doit produire. Vous dormez, vous accueillez les gens à la maison, vous accueillez quelqu'un dans votre maison, vous portez quelqu'un dans la voiture, vous ne savez pas avec qui vous êtes. Peut-être la personne qui est marcher à la tête du mouvement. Il dit bonjour mon frère. Tu dis que oui, le type c'est vous. Alors que c'est un. Ma verra est bougé, il a cru que c'est le mouvement qui est venu après. C'est le serpent là qui est venu comme ça. N'ayez pas peur. Alors, si on dit, quand cette connexion s'est créée, vous pouvez savoir des choses vous concernant. C'est-à-dire que vous comprenez comment Dieu vous connaît. Et puis, vous comprenez sa volonté maintenant, comment il marche. Parce que en vous sera la suggestion du Saint-Esprit dans chaque événement. Dans les événements. Quand vous marcherez droit devant lui, il vous parfait dans cette doigt-là. Quand vous voulez détourner à gauche ou à droite, le Saint-Esprit vous remet à la pendule à l'heure. Et là, vous pouvez savoir qui est devant vous, la suggestion du Saint-Esprit. Sinon, comment comprendre qu'un chrétien va vers un pasteur qui allait signer par terre le diable, qui même c'est un serpent. Il dit, Seigneur, que, et vous voyez, celui qui est en toi, tu manges, le pasteur vient pour moi, il saute autre personne, il touche autre personne. Il dit que, ouais, j'ai la face du maquereau. Tous les hommes de Dieu veulent toucher, ils touchent, ils me saute toujours. C'est mon front, j'ai le front de Mbunga. Alors que c'est quelqu'un qui est à côté de dans l'intérieur de lui qui est en train de le chasser. Et un jour, quand il ouvre les yeux, tu vois que je comprends, mais. Maintenant, Seigneur, te rends grâce de ce que tu m'avais protégé. Ok, maintenant, tu comprends maintenant, parce que tu as vu la chose là-bas. Il faut une connexion avec lui. Pour quand vous tenez, quelqu'un qui tient devant vous, pendant qu'il parle, que celui-là à l'intérieur puisse dire qu'il n'est pas de moi. Quand il dit il n'est pas de moi, il n'a pas de souvenez-vous, et voilà notre erreur. Quand il dit il n'est pas de moi, il n'a pas dit va publier qu'il n'est pas de moi. C'est que tu en as quitté le cadre. Quand Dieu ne t'a pas dit va publier, il y a des gens qui viennent dire que voici les faux pasteurs. Si Dieu t'a dit va dire que voici les faux pasteurs, va dire. Jésus ne savait pas que les Hérodiens, tout le monde était faux. Si. Ne savait-il pas? Si. Quand il donne le pain et les miracles là-bas, est-ce qu'il se distinguait? Non. Chacun fait son faux, tu fais ta part. Le sisongo pousse, ça produit les herbes pour que la chèvre mange. Le maïs pousse, ça produit la nourriture pour que les gens. Bonne soirée, bonne connexion. Oh, quel bonheur.